Bon, c'est Steve qui fera la présentation, je pense, mais on va commencer par se présenter. Donc, One Forever. C'est moi, c'est Charlie. Max, t'as si va. C'est vrai qu'on fait l'appel. On est réunis pour parler de la NBA, donc, qui a commencé depuis, ça fait quoi, 3 semaines? Un petit mois? 3 semaines? Ouais, c'est ça. Donc il y a une dizaine de matchs déjà pour chaque équipe, dont les Warriors qui sont toujours invaincus, qui ont encore gagné hier, 13-0. Et qui vont sûrement faire le record s'ils perdent pas contre Chicago. Et ben, en tout cas, je vois que... Je sais pas qui c'est qui détenait le record avant, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui apprécie pas que ce record soit battu, j'ai l'impression. Il y a deux équipes à 15-0, mais je sais plus ce que c'est. C'est les Rockets, je crois. Ouais, en 93-94. Les Capitals de Washington, je crois que c'est dans les années 50, donc bon, c'est pas... ça date, quoi. Et c'est quoi la plus longue série de victoires, déjà? C'est un truc, c'est genre 28, 33, non? C'est Lakers en une trentaine. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je sais que les Rockets en étaient approchés à une époque. Miami, il y a 2-3 ans aussi. 2-3 ans, sûr. Mais c'était plus impressionnant les Rockets parce qu'ils n'avaient pas une aussi grosse équipe. Ils n'avaient pas une aussi grosse équipe. Mais ouais, je pense qu'ils sont quand même partis pour viser le. Quelqu'un a vu le match de hier? Apparemment, ils ont. J'ai regardé. De 20 points. Bah, je regardais. Je me suis fait vite faire un replay genre, les dernières minutes. Mais. J'ai l'impression que la gestion du match des Clippers elle est un peu catastrophique, quoi. Ils mettent un peu trop de rythme, quoi. Ils relancent trop, ils donnent trop l'occasion de relancer les Warriors, je veux dire. Quand t'as à fond une équipe qui est capable de mettre 9 points en 3 possessions comme ça, c'est quand même de ralentir l'horloge, quoi. Surtout quand t'es devant. Non, mais ils ont fait des choix, mais horrible, quoi. Dans le dernier quart-temps, ils sont horribles, je suis désolé, quoi. Ils savent pas gérer un match, c'est pas possible, quoi. Putain, mais. Non, c'est vrai. Ils avaient 23 points d'avance, quoi. Bon, après, les Warriors, dans le dernier carton, ils font 8 sur 9 à 3 points, donc bon. C'est ouf, quoi. Les mecs, 90% à 3 points, c'est énorme. Mais franchement, c'est un peu la spécialité des Clippers, hein, de pas savoir gérer les matchs. Limite, il vaut mieux que ça soit serré. Quand tu sais. Personnellement, moi, quand j'ai vu qu'ils menaient 16 points en premier carton, je me suis dit, ah. C'est pas le genre de match que les Clippers arrivent bien à gérer généralement. Eux, ils arrivent bien à revenir de derrière ou à avoir des matchs un peu serrés, un peu à coup de boxe, mais je sais pas. Enfin, c'est une équipe un peu assez particulière, quoi. Et ils restent quand même sur cette même lignée qu'ils ont depuis Capol, quoi. Avec des gestions des fois un peu calamiteuses, quoi. Après, c'est pas. Enfin, ça reste 10 matchs en saison. Les Clippers, ils sont rodés. Les Warriors sont rodés. Les Clippers. Encore attendre de voir comment certains joueurs s'intègrent au collectif, donc bon, ce sera pas non plus super représentatif de ce qu'ils pourront proposer en playoff, mais bon, c'est quand même décourageant pour eux, hein, on va pas se mentir. Ouais, ça devient les retours qui se prennent quand même, ça devient critique. Hein. Houston, déjà l'année dernière, c'était quand même vraiment pas mal, hein. Une référence. Là, les Warriors, milieu du quatrième carton, ils ont encore 10 points d'avance, quoi, et ils sont à 115, ils finissent le match à 115. Ils ne mettent plus un point à la fin, quoi. Avant le début de saison, tu les entendais, ils me disaient, ouais, tout, les Warriors sont eu de la chance et tout, ils sont pas tombés sur nous et tout, machin. Bah oui, bah là, on a vu, ouais. putain. Et c'est dommage, hein, parce que Paul a joué, a super bien joué. Je crois qu'il était encore un peu blessé, d'ailleurs. Le problème, je crois que le problème dans cette équipe, c'est que t'as pas de leader, quoi. T'as pas un mec qui va gueuler, machin. Non. Ah, si. Enfin, ils ont Paul. Paul, c'est un des meilleurs leaders de la NBA, quand même. Bah, À part LeBron, moi, je vois personne qui est de mieux rodé à ce niveau-là, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, mais et encore qui Paul, hein, parce que franchement, Griffin encore, ça va cette année, il commence un peu à assumer ses responsabilités, mais entre lui et Jordan, depuis qu'ils sont ensemble, c'est ridicule, hein. Je veux dire, il y a eu une époque où DeAndre Jordan, il jouait même pas les quatrième quart-temps, il jouait même pas dans le money time, hein. Parce qu'il était catastrophique, c'est des mecs qui ont qu'un caractère, enfin, DeAndre Jordan, Griffin, il commence un peu à en avoir, mais c'est important qu'il ait quand même ce rôle de leader qu'il a Paul, et je pense qu'à terme aussi, Pierce, il pourra apporter quelque chose au groupe, et les ajustements qu'ils ont fait aussi sont intéressants, parce que Stephenson, il apporte un peu, je trouve, un peu d'agressivité, un peu de dureté, ce qui leur manquait, parce que bon... Entre Jontan, il a tout ce qu'il faut pour faire peur à tout le monde, mais bon, il a pas l'attitude. Et ça peut aussi jouer sur des matchs au coup près. En, parlant d'attitude, les Rockets qui ont viré leur coach. Oh bah enfin. Charlie, mon avis. Bon. Non, moi je suis content. Je pense que c'est bien de le faire tôt. Faut pas la décision est une, il y a une décision à prendre. Le roster est vraiment très très très très bon et je pense pas que Michael puisse vraiment tirer le meilleur de ce roster. Et ça sera un gâchis, honnêtement, avec la situation contractuelle de certains joueurs, de pas tout miser sur cette saison-là. Enfin, je connais pas la situation exacte de tous les contrats, mais par exemple, sur Thornton, je sais pas sur combien de saisons il a signé, mais bon, son contrat sur cette saison, il est à 900 000 dollars. J'imagine qu'on doit être bien. Je crois que Lawson, il négocie l'année prochaine son contrat, non? Donc, je sais pas où on en est, mais je sais que si on devait comparer les contrats des joueurs que l'on a à disposition par rapport à leur réelle valeur, je pense qu'on est assez bien à Houston et qu'on est vraiment sur une période assez charnière, parce que je pense que c'est assez charnière. Et Michael, il est trop offensif, il est trop défensif, il sait pas du tout proposer des systèmes offensifs, c'est catastrophique. Genre, quand t'es obligé d'avoir ton meilleur joueur de l'équipe pour à plus de 40 points pour gagner des matchs, c'est ton équipe, tu sais pas la faire jouer. Hein. Iso Harden. Ils ont Harden parce que ouais, Michael le fait jouer. Les fins de match, c'est Iso Harden à outrance, quoi. Et bon, ça a prouvé ses limites. Hein. Maintenant, moi, je pense que c'est bien pour les Rockets quand même. Michael, ça fait quand même quelques temps même s'il avance, il est quand même décrié pour ses qualités de coaching. Après, je pense qu'il n'a pas été aidé non plus par la défense des Rockets quand même, parce que potentiellement, c'est une excellente défense. Ouais, sur le début de saison, ouais, sur l'attitude qu'ils ont eue, ils sont pris, je crois, 4 ou 5 défaites de 20 points, ils ont lâché, quoi. C'est détestable, bah, Harden en première ligne, hein, quand même. Ouais. Le coach, ils l'ont lâché, moi, j'ai vu des matchs, quoi, t'avais l'impression que les mecs, ils avaient pas envie, quoi, c'était flagrant, quoi. Des pires, je crois que c'est Howard, quoi, j'ai l'impression que le mec, Non, il est comme ça, Howard, il est comme ça, ouais. Il est nonchalant, c'est tout. Il est comme il est, tu vois. Je pense pas que ce soit la situation. Non, mais le problème qu'il y a avec les Rockets, c'est que, ouais, c'est vrai que c'est tout ou rien, les défaites de 20 points, mais c'est surtout lié au fait que il y a aucune base de jeu et ça pète ou ça pète pas. Concrètement, c'est ça, les Rockets, ça pète ou ça pète pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan B parce que Michael, il propose rien. Donc, ça part à 3 points, ça part les ISO sur Harden. Si Harden, il est chaud, il marque les shoots en première intention, l'équipe, elle est bien. Si ça se défend bien, tu peux gagner, tu peux marquer sur des contre-attaques et sur des deuxièmes ballons. Mais il n'y a aucun plan de jeu, en fait. Et avec autant de nouveaux joueurs, avec autant de manières de ballon autour d'Harden, c'est impossible de pouvoir tirer le meilleur du groupe avec un entraîneur de cette qualité offensivement. Et tu penses quoi de la rumeur qui parle de Thibodeau? Ah, c'est nul à chier, Thibodeau, quand même. T'es à l'ouest, tu mets pas Thibodeau, t'es à l'ouest. Bah, c'est super, Thibodeau, défensivement, je pense que c'est bien, y a pas photo. Ouais, déjà, il a des problèmes à la rotation, ses rotations elles sont super courtes, elles sont super shortes. Et à Houston, t'as quand même une grosse densité, donc ça serait du gâchis de passer par ce coach-là. Et je pense que quand même, le pari doit être un peu plus offensif, parce que les bases défensives, elles sont là, je pense. Je pense qu'elles sont là, et c'est pas le plus dur à travailler. Surtout que Thibodeau, quand même, avec ses rotations, quand tu sais que Howard, bon, il joue toujours pas les back-to-back, il est toujours un peu fragile physiquement, que Jones, c'est quand même un mec qui se blesse facilement... Que Beverly, c'est pareil. Bon, les mecs, ils vont tous les faire claquer, quoi, s'ils jouent. S'il est là, ils vont tous les faire claquer. Je suis pas fan. Mais du coup, ça nous donne une petite transition sur Chicago, là, qui a démarré, sous une nouvelle ère, sans Thibodeau, justement. Ouais, bah, c'est leur réussite plutôt. Le parallèle est assez intéressant entre ce que font les Rockets, c'est ce que font Chicago et Oklahoma City aussi, qui a viré Scott Brooks, parce que. Et ils suivent un peu ce qu'ont fait les Warriors environ Mark Jackson, alors qu'ils avaient tous fait des bonnes choses, quoi. Ils sont tous allés assez loin en playoff, mais à un moment donné, vu par rapport à ce qu'a fait Kerr, je pense que les GM se sont dit qu'il fallait passer à autre chose, quoi. Et c'est... Je pense que tu vois l'exemple de Kerr et de Stevens, peut-être Cartwright, mais un peu moins, du coup, c'est que la NBA s'est rendu compte de la valeur ajoutée d'un coach. Dans la valeur ajoutée d'un coach, je pense que je pense que pour des équipes comme OKC, Bulls, Rockets, la seule valeur ajoutée qu'ils puissent trouver pour faire monter l'équipe et justement la faire passer à une équipe qui puisse jouer des finales, ça passe par le coach. Et du coup, ça a l'air de marcher plutôt correctement pour Chicago en ce début de saison. Après, c'est un peu tôt quand même pour. Après, en défense, effectivement, Thibodeau, c'était tout pour la défense, mais alors là, par contre, leur défense, c'est pas génial, quoi. La défense, ça va, franchement. Ils ont pris un carton à Charlotte, mais en dehors de ça, ils prennent pas plus de 100 points à chaque fois. Hein. Ouais, ils sont 6e en efficacité défensive. Donc, je sais pas. Bizarrement, tu vois, ça donnait l'impression un peu différente, tu vois, mais. Franchement, ils sont solides défensivement. Après, il y a Mirotić qui joue mieux. Bon, même s'il traverse un peu. C'est pas compliqué, mais il a quand même beaucoup mieux joué. Je pense qu'il s'est rendu compte. Mais après, le problème, ça restera toujours Derrick Rose qui loupe un match sur deux, quoi. Ouais, ça. Mais c'est compliqué de savoir si Derrick Rose fait vraiment mieux jouer l'équipe ou pas. Enfin, moi, je me pose la question par Enfin, je pense qu'en playoff, il y a deux équipes, mais il y aura l'équipe avec Rose et une équipe sans. Parce que bon, pour Rose, c'est que ça reste un joueur qui peut créer son shoot, qui peut proposer plein de situations à l'équipe, chose qu'ils n'auraient pas avec un autre joueur. Et ça libère Butler, et ça libère Gasol d'avoir Rose sur le terrain. Donc, c'est indéniable. Et c'est pareil pour Mirotić. Mais je pense que ce qui est intéressant pour les Bulls, c'est savoir comment ils vont gérer sur la saison leur rotation à l'intérieur. Parce que j'ai vu qu'au début de part, ils préféraient privilégier les associations espagnoles et Gibson, Noah. Mais là, qu'il est en train de changer, non ? Enfin, je suis de loin. Chicago, franchement, c'est une des équipes que j'ai vu le moins jouer. Noah joue un peu plus, mais. Là, Mirotić perd des minutes surtout. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que là, il joue mal et il joue 20 minutes maintenant. Hein, ouais. Peu près, ouais. Ouais, c'est Pinoa qui récupère les minutes, quoi, surtout. Ouais, c'est ça, il est pas bon. Aussi, mais... Par contre, Noah, ouais. Il est. Putain, mais c'est... t'as l'impression que c'est pas le même joueur, quoi, c'est ouf. Offensivement, c'est. Waouh. Tu le trouves mieux ? Ah, bah, pas du tout, non. Je le trouve moins bon. Hein. C'est le néant, le mec, il a moins de 3 points par match. Hein. C'est le néant. C'est le néant total, quoi. C'est. Oh là, ouais. C'est... 34% au shoot, quand même, pour un pivot. On a vu mieux. Hein. Effectivement, c'est ça, j'ai pas fait attention. Autant en rebond, il est toujours. Il est pas mal et tout, mais alors au niveau des points et tout, des pourcentages, c'est une horreur. Au rebond, il a claqué à contre Charlotte en sortie de banc, là, il en a pris 18, je crois. Ça va. Contre Charlotte, 18 en 20 minutes, quoi. Contre Bigal, franchement, même moi je les prends, hein, le rebond. En 20 minutes, il faut les prendre. Hein. Du coup, il y a OKC qui a changé aussi de coach, mais ça marche pas. Hein. Ah, il y a eu la blessure de KD quand même. Ouais, il y a eu la blessure de Durant, mais c'est. On sent qu'il cherche encore ses marques. Hein, parce qu'au niveau des rotations, il manque. Le banc, le talent est là, mais entre c'est DJ Augustine, Waiters et Cantor, souvent ça reste trop aléatoire pour... Moi, j'ai l'impression que la saison des Docs ici, elle va se jouer sur Cantor. Hein, parce qu'il est. C'est lui qui plombe ou qui fait gagner l'équipe, j'ai l'impression. Hein. Dans certains matchs, c'est atroce parce que moi je regardais juste le box score contre je sais plus qui là, le dernier match qu'ils ont perdu à Memphis. C'est ça. Le mec il joue 20 minutes, il a 5 sur 7. Il est quand même, son équipe elle est quand même à moins 11 quand il est sur le terrain, il a 5 sur 7. C'est dur hein, quand même, en 20 minutes. Oui, enfin après, faut. Enfin, ça c'est. Après, ça dépend des rotations, t'as raison, oui, ça dépend aussi des rotations avec lesquelles tu joues, tu vois. En ce moment, okay, c'est surtout dégueulasse quand Westbrook est sur le banc. La différence de points entre quand Westbrook est sur le banc, OKC perd 10 points sur 100 possessions et quand il est là, ils sont meilleurs de 17 points par 100 possessions. Enfin, c'est un écart que seul Curry et Laurent ont. Enfin, c'est là. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème qu'il y avait à un moment donné avec Kobe, c'est que les mecs n'arrivent pas à jouer sans la star. C'est pas parce qu'il est important, c'est que le mec il obnubile tellement la balle que les mecs ils savent jouer sans. C'est normal qu'ils perdent des habitudes. Il y a ça et puis il manque en Reggie Jackson parce que DJ Augustine était pas trop mal l'an passé, mais cette année il est immonde. Il arrête pas de perdre le ballon pour un oui pour un non. Enfin il est pas du tout en synchro avec Cantor et Waiters. Et Waiters. Waiters. Waiters. Il est pas trop. Mais il est. Ouais. C'est Waiters, quoi. Ouais. Il va faire un match. Ouais, Tu vas prendre. Il veut partir à Philly, j'ai lu, non? Ouais, enfin, c'est une rumeur comme quoi il aimerait bien retourner là-bas l'an prochain vu qu'il vient de là-bas et qu'il est. Il a ouais, pas de contre... On a compris qu'il veut jouer des minutes, quoi, c'est tout. Ouais, mais je pense pas qu'ils seront intéressés. Entre... Je pense que. C'est déjà le bordel là-bas, les mecs, et hop, un peu plus. Ça va être encore plus le bordel, quoi, en fait. Non, mais quel intérêt de donner un gros contrat à Waiters, franchement, t'es au Sixers, t'as Waiters entre. Et ouais, Westbrook il se débrouille pas trop mal, hein, mine de rien, sans Kevin Durant. Hein. Je suis allé voir vite fait. Bon, il est pas dégueulasse. J'ai l'impression qu'il shoot mieux à 3 points qu'avant. Bon, il perd énormément de ballons, mais ça va. Ah, mais il a une différence de 20 points. Quand il est sur le terrain, le Thunder marque 10 points de plus sur 100 positions que les adversaires, et quand il est sur le banc, c'est 10 points de moins. Donc, ouais, c'est considérable. Mais il fait un peu tout sur le terrain. Ah, oui, il fait tout. Il poste le triple double. Hein. Il a un gros volume de jeu aussi, c'est ça aussi. Sur toutes les actions, il peut faire l'action, il peut faire le momentum, il y a un truc qui se passe, quoi. Que ce soit quand un pote lui rate un shoot, il peut aller au rebond off, il peut aller à l'interception, il peut aller au contre, ça peut partir en contre-contre, il peut carrément jouer les transitions. Non, il peut faire tellement de choses, il est capable de les faire de manière tellement intensive sur chaque possession que du coup, c'est normal, c'est pas étonnant de le voir... De voir le différentiel que tu m'énonces. Après, j'ai pas la stat, mais son using rate, il doit être énorme, quoi. Le mec, ah oui, qui est... oui. Je crois qu'on est on est facilement à plus de 40, quoi. C'est incroyable. Ah, peut-être pas, mais j'ai regardé. Là, avec l'absence de Durant, il se gave encore plus, quoi, forcément. C'est quoi l'using rate? Moi, je sais pas ce que c'est, préciser pour ceux qui... C'est le pourcentage, en fait, que le joueur utilise de la possession. Pareil. D'accord, ok. J'ai lu une note sur Rondo, là, derrière, qui m'a plu. J'ai kiffé, il est passé premier. Il est passé premier sur ça. Oui, parce que Rondo, oui, il a joué 48 minutes. Quand Collison était blessé. Ouais, là, il va revenir, ça va être différent. Ouais, mais il va quand même jouer pas mal, hein, t'inquiète. Hein. Mais de manière intéressante. T'inquiète, il y a des matchs à gagner. Le top 5 en pourcentage d'usage, le premier c'est DeMarcus Cousins avec 36,4. Deuxième, Westbrook, 35,5. Curry 34, Harden 33,7 et LeBron à 33. Ouais, ouais. Comme quoi LeBron c'est pas le premier. Il joue moins, c'est pour ça, non? Ou c'est un pourcentage? Non, c'est un pourcentage. Franchement, de toute manière, LeBron il joue beaucoup. Il joue autant que l'année dernière. Ah ouais, c'est. Ah. Il dit. Je croyais qu'il allait tuer. Bah ouais, mais il arrête pas de dire je vais jouer les 82 matchs, je veux jouer les 82 matchs, mais bon. Si c'est pour arriver cramé, mon pote reste sur le banc un peu. Quand même. Ça va, LeBron n'arrive pas à cramer. Oh, il arrive pas quand même. Bah quand même, ces deux dernières années, il y avait le Batticole quand il avait pris ses deux semaines de vacances. Je crois que c'était en début d'année, enfin après le Star Break. Ouais, mais on sait tous qu'en avril et en mars, ils commencent tous à gérer leur saison. Je pense aussi, mais c'est parce que bon, mine de rien, LeBron il est plutôt jeune. Hein, donc, après. Après, moi, je me mets à la place de Cleveland. Il y a peut-être une première place à assurer à l'Est, et je pense pas qu'elle sera difficile à assurer. Mais derrière, je pense que le bilan des Warriors, il serait intouchable. Donc bon, ça sert à rien de se tuer à la tâche pour aller les chercher, alors que je pense que ça sera quasiment impossible. Ah ouais, non, mais ça sera impossible d'aller les chercher. On peut taper un des meilleurs bilans de tous les temps. Il y a la place. Hein. Ouais, je pense. C'est le challenge, mais enfin, c'est le 72 et 10 des Bulls. Mais en... Peut-être pas 72 et 70 victoires, ce serait pas impossible. Mais après, est-ce que c'est dans leur intérêt d'aller les chercher? Ça, c'est la question aussi. Bah, l'année dernière, ils avaient mis le banc face à Denver, par exemple, sur un match donné, tu vois. Donc, est-ce que s'ils peuvent le faire, ils iront le faire? Bon, ils savent qu'à l'Ouest, c'est tendu. Je pense pas que ce soit dans leur intérêt. Hein. S'ils le font, ouais, tant mieux pour eux, mais bon, ils lâcheront forcément un match à un moment en fin de saison. De toute façon, je pense que vu l'intensité des playoffs à l'Ouest, ça sera d'économiser les forces de la préparation pour ces matchs-là. Surtout que par rapport à l'année dernière, je trouve que Curry et Thompson jouent plus. Hein. En tout cas, en ce début de saison, ils prennent les minutes, hein, quand même. Curry, je crois qu'il était à 32 minutes la saison dernière, il est monté à 35-36 déjà là. Moi, j'ai l'impression qu'il, Ils ne jouaient pas trop les quatrièmes cartons parce qu'ils gagnaient tellement de 30 points qu'ils n'avaient pas besoin de jouer les quatrièmes cartons. Donc... Moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins faciles. Hein. Comme tu dis, bon après, c'est peut-être le calendrier qui veut ça. Hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même joué pas mal de grosses équipes. Hein. Ils ont joué deux fois les Clippers, non? Ouais. Bon, après, ils ont joué des équipes qui ont bidé. Hein. Ils ont joué deux fois les Pélicans. Mais bon, les Pélicans, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Donc, Ouais. Ils ont d'après Basket Référence, ils ont le calendrier le plus difficile depuis le début de saison. Devant Dallas et Clippers. Je me disais, ouais. Mais. Bon, ça va, mais l'équipe est jeune, c'est ça qui est effrayant avec les Warriors. Ils sont jeunes, ils sont super jeunes, ils sont très très jeunes, on s'en rend pas compte. Curry, Curry, il a 27 ans, quoi, donc il est encore là, quoi. Bah, Curry, il va exploser son record à 3 points là, à ce rythme-là, ça va être incroyable. Hein. Le truc, c'est qu'un joueur comme Curry, il peut, pas en termes statistiques, mais en termes d'impact, il peut encore plus s'améliorer, être encore plus intelligent, être encore plus décisif, parce que c'est pas sur ses qualités athlétiques sur son jeu est basé, c'est plus sur son exécution, sur sa technique. Donc du coup, ça, il va la garder toute sa carrière. Il y a pas de raison que ça change, à part pour l'explosivité un peu, c'est sûr. Mais il ne peut que devenir plus bon, quoi. Donc ça reste un peu effrayant quand même pour les Warriors. Derrière, ils ont Thompson qui est jeune également. Ils ont Barnes qui est extrêmement jeune. Green n'est pas très vieux non plus. Les Ellie. Ouais, je crois que le plus vieux du 5 là c'est. Bogut. C'est. Godala, ouais, non bah, Bogut, ouais, Bogut, non, mais... non Bogut, Bogut, Bogut ah, Je crois que c'est, ouais, c'est Bogut et. Ah non, il y a Godala aussi, mais. Sinon c'est. Ouais, bah, Bogut, il n'est pas titulaire, Godala, donc bon. Bah, si. Mais sinon, ouais, c'est Bogut effectivement, mais sinon les autres, Curry, Thompson, Barnes et Green, ils ont. Entre 23 et 27 ans, quoi, ça fait peur quand même. Hein. Non, c'est jeune. Ces quatre-là, c'est quand même c'est énorme. Hein. Après, bon, je crois qu'il y en a quand même encore dans le tas qui ont des contrats pas très gros. Donc, Curry, il a un contrat ridicule. Hein. Ouais, Curry, il a pas 4 ans. Ouais, il a un contrat ridicule. C'était 4 ans, 48 millions. Enfin, c'était... Quand on voit maintenant avec l'augmentation du cap. Cap space à partir de l'an prochain, ça, là ouais, il sera encore une affaire pendant 2 ans, et puis après il va revenir au niveau normal. Ouais, donc ah bah là, il sera à 35 millions, je pense. Il sera. Ah, il va se calmer. Mais bah, en plus, il y a un fin de contrat en 2016 ou 2017, je sais plus. 2017, je crois. 2017, donc. Ah, ça fait des thunes tout ça. Ah oui, ça, niveau argent, ça va être la folie l'été prochain. Ça va être. Ah bah, déjà dans un an, ils ont quand même Barnes, Ezeli, Space qui sont en fin de contrat. Et dans 2 ans, ils ont Bogut, Curry, Godala, Livingston. Ah, ça va commencer à monter. Hein. Là déjà. Ezeli, ouais, je sens bien qu'il va demander un peu pas mal de pactole aussi. Hein. Après Bogut et Godala, je pense pas que ce soit des joueurs qui regarderont trop sur leur portefeuille. Je pense que Godala, il apprécie beaucoup sa situation à. La San Francisco, son Oakland, San Francisco, Hugo, il s'en est déjà mis plein les poches de toute façon. Donc, ouais, non, mais après les Warriors, bon, d'une, ils auront la priorité sur les contrats des joueurs qui sont présents dans le roster. De deux, sur la free agency, je pense qu'ils seront toujours très, ouais. très, comment dire, tous les vétérans seront toujours très attirés pour aller signer des contrats minimum là-bas. Hein. Donc, ouais. Tous les mecs qui vendront une bague. Donc, déjà, ça peut faire de la qualité à moindre coût pour compenser avec tous les contrats qu'ils devront signer cet été ou plus tard. Pour Curry, il va falloir qu'il. Enfin, à mon avis, ils vont sortir checker parce qu'en plus, c'est un contrat non restreint. Non, mais Curry, il aura le contrat max. Je veux dire, voilà, enfin. C'était ouais. L'agent de Curry. Enfin, si t'es l'agent de Curry et que t'arrives pas à signer le contrat max à Curry, gros, change de profession, hein, je sais pas. C'est ça, voilà. Non, mais gros, qu'est-ce que t'as à faire, gros, faire signer un contrat max à Curry, même. N'importe qui en est capable. C'est quand même avec le meilleur joueur de la ligue, quoi. Enfin, il est sur un niveau stratosphérique, là, en plus. Là, là, il a plus de 33 points de moyenne, à peu près. Dans les stats qu'il a, c'est. C'est incroyable, quoi. C'est jeux vidéo. Il est parti, mais il est parti pour faire un nombre de 3 points incroyable. Là, il peut partir à plus de 400 quand même. C'est incroyable. Avec, à 45% quand même, hein, de loin. Ouais, 34 points de moyenne, c'est énorme, quoi. Et il a joué que 10 matchs, quoi. C'est ça, Pierre. Ah, il est capable. Je pense qu'il serait. Il peut maintenir la moyenne. Ah, bah oui, clairement. vu le talent qu'il a, y a pas de souci. Hein. Et ce qui est fou, c'est que même quand lui est pas bon, t'as Thompson derrière qui prend le relais, quoi. Ouais, cette saison, il a pas trop encore été. Hein. Il avait eu 2-3 matchs où il était bon. Après, il a une blessure au dos, donc il a raté 2-3 matchs. Et il reste quand même. Enfin, il est pas encore à son niveau. On connaît très très bien la forme des joueurs. Ouais, c'est clair. Ah ouais, bah complètement. Ah bon, moi j'ai appris des trucs que je ne soupçonnais même pas, hein, sur certains joueurs. Non, mais c'est vrai que quand on draft, on connaît pas spécialement les stats des joueurs. Moi par exemple, un cas comme DeRozan là, je pensais pas qu'il avait des pourcentages aussi merdiques en fait en carrière. Ah si, non tu mais. Vois, DeRozan il met pas à 3 points. Mais il fait une belle saison. Hein. Attention, il fait une belle saison, DeRozan. Il a monté un peu ses standards. Ouais, Toronto monte ses standards en début de saison, mais moi j'ai bien peur que ça s'essouffle encore à la fin. Ouais, moi je pense pas. Hein. Carole pour le moment, c'est pas bon. Hein. Bon, j'en ai pas trop Toronto, j'imagine qu'ils sont mieux. Ils sont mieux quand il est là quand même. Ils sont mieux. Faut pas attendre de Carole qui score. Hein. Je pense pas qu'il. Non, mais je pense qu'il fait bon défensivement, mais ben, j'attends pas à ce qu'il mette 20 points, mais il shoot à moins de 40%, quoi, ça fait mal. Hein. 37. Ouais, 37%, ça fait mal quand même, ouais. Pour un étudiant. Big up à Ali qui l'a sélectionné, j'ai pas compris. Hein. Ça, franchement, c'était un des choix à la draft. Une petite parenthèse. Hein. Il est pas si dégueu que ça, je crois, par rapport à où il est. Bon, après, moi, je sais pas évaluer la position d'un joueur, vraiment sa valeur. Donc, après, je peux me tromper, mais ouais. J'ai trouvé ça au moment où il a drafté, j'ai été surpris. J'ai été surpris quand même. Tu sais, on fait tous des bides, hein. Moi, l'air d'Ernest Noël. Ouais, en même temps. Mais par rapport à ça, d'ailleurs, le truc le plus super intéressant, c'est Sullinger que. Moi, le premier, j'ai descendu, mais qui, au final, fait vraiment... Pour l'instant. Hein. Moi, je te dis, je le vois bien être tradé cette saison. Je pense pas que Boston va se mettre à trader. Celui-là, ils sont plus en mode construire que... Enfin, ils ont déjà plein de draft picks. Je sais qu'ils vont être obligés de trader. Hein. Ouais, mais Sullinger, le problème, c'est qu'il a des problèmes récurrents de surpoids, et je pense que les Celtics, au bout d'un... Non, mais il a pas mal. À chaque saison, il perd pas mal et au final, il reprend. Faut voir sur la durée. Non, mais il faut que ce soit progressif. Il a commencé cet été, là, ça commence à se voir. Faut voir. Mais je pense, de toute façon, ils vont être obligés de trader hein, parce qu'ils ont 1 milliard de choix de draft hein, l'an prochain. Et bon, ça sert à rien d'avoir 11 rookies dans l'équipe. Et du coup, je crois qu'ils vont être obligés de trader quelques choix. Et ils ont une base intéressante en plus. Hein, le trio. Smart, Bradley, Thomas, franchement, c'est pas mal. Là. Thomas, là, en sortie de banc, les 20 points, il fait là le 6e homme de l'année, il est bien parti. Hein. De toute façon, Smart, Boston. Il est quand même pas mal aussi, Smart, franchement, je ne pensais pas. Ouais, il a fait un très bon match contre Westbrook, là, Boston a gagné à Oklahoma City. Là, c'est vraiment. La déclaration de Westbrook après. Ah, bah, il l'a éteint en plus, Westbrook. C'est le baby. Il avait mis mauvaise, quoi. Oh, putain. C'est un baby Westbrook. Hein. Moi, je me souviens à l'époque où il avait été drafté, Westbrook. Si vous le lisiez un peu son profil, ils le présentaient tous comme un joueur athlétique qui défend, hein, mais en auto-défense. Il parlait pas trop de ses qualités en attaque. Hein. C'est un peu pareil dans le sens où ils ont pas un shoot exceptionnel. Hein. Mais Smart, il a beaucoup à travailler, il est pas très bon offensivement, il est trop irrégulier, ils sont chauds. Ah bah et là, son dernier match, là, il a fait 1 sur 7, je crois. Ouais. Après, c'est une machine, hein. Smart, c'est une machine. Hein. Je veux dire, tu lui dis tout le match, t'es sur ce gars, tu le lâches pas, il est en mission, hein. Il cherche pas à comprendre. Donc c'est un gars super utile, mais de toute façon, la saison des Celtics, leur gestion qu'il va y avoir sur le marché des transferts, elle va être liée à la saison des Nets. Hein. Parce que leur choix de draft, il va déterminer beaucoup de choses, je pense, pour eux. Vu la saison des Nets, ils sont bien partis. Hein. Ouais, ils sont très, très bien partis. Mais là, ils commencent à gagner des matchs. Le combat Nets-Sixers... putain, ça. Les Lakers un match. Oh, les Lakers font un petit peu mieux. Pas sûr. Les Lakers doivent terminer avec... en des 3 pires records de la ligue pour garder leur choix de draft, sinon c'est les Sixers qui l'auront. Ah oh non, mais ils sont... Attends. Ouais, ils sont... Eh bah là, ils sont bien partis. Hein. Putain, c'est le trade avec Batou, avec l'autre connard là qui faisait du bowling là, comment il s'appelle, putain. Non, c'est pas le trade de Dom, c'est de. Pardon. C'est pas Odom. non, parle pas de Putain, ce mec, il était bon en plus. Hein. Ouais. Bynum. Ah ouais. Non, c'est le trade de Michael Carter Williams avec Phoenix. En gros, c'est Phoenix qui avait récupéré le. Nash. À l'époque, c'est le pick de Nash que Phoenix avait récupéré, que Phoenix a renvoyé pour récupérer Knight, et c'est Philly qui a récupéré le pick. Mon coup, hein, mais on peut. C'est bien de faire une transition. Les Suns ont fait un bon coup avec Knight. Hein. Parce que ouais. Enfin, déjà, Carter Williams. Moi, je peux comprendre ce que voit qui dans lui, mais. Faut voir. Il voit trop un peu le joueur qu'il était, pas forcément une machine en attaque, mais un bon passeur, très bon rebondeur. Sauf que franchement, Carter Williams, pour moi, et ça a été, on l'a vu quand même la saison dernière, et on le voit un peu cette saison, ça colle pas avec Milwaukee, quoi. Ça colle pas. L'équipe est déjà pas. Même si Antetokounmpo est meilleur offensivement, l'équipe est pas une machine offensive à la base. Après, je trouve que c'est un super fit. Hein. Attention, moi je trouve que c'est un super fit parce que leur option à l'avenir c'est Jabbar. Ah si, il y a ça. Leurs deux options c'est Parker et Monroe. Hein. Avec Monroe tu peux faire beaucoup de choses et le pick and roll il est parfait avec lui. Et avec Parker tu as plus ou moins les mêmes prédispositions. Et je pense quand même que vu la direction dans laquelle ils sont partis, en favorisant quand même l'évolution de ces deux joueurs, et en ayant aussi un Antetokounmpo qui pourra clairement proposer une troisième solution très très très intéressante, le fit avec Carter Williams, c'est bon. En plus, Middleton, après, il peut jouer deux, non ? C'est un 2 ou un 3, Middleton ? C'est un 2, Middleton. Enfin, il joue tout le temps 2 maintenant, avec son Antetokounmpo en 3, souvent. Non, je pense que ça ce 5-là ce 5-là est très très solide. Faut quand même se souvenir de quoi partent les Bucks, hein. Avant Parker, de quoi ils partent, hein, les Bucks. Ils partent de rien. Hein. Bah, après, l'équipe qu'ils ont maintenant, c'est fantastique. Je suis pas un fan des meneurs qui savent pas tirer. Donc, je suis peut-être pas le plus objectif sur la question, parce que moi, les meneurs qui savent pas tirer, je trouve ça... Moi, j'ai une faute à moi. Il a fait carrière, il a gagné des finales sans shoot, hein, gros. À côté de lui, il avait un trio magique, quand même. Donc, bon... Les Bucks, c'est magique pour le moment. Hein. Et Rondo, tu vois, et Rondo, je pense que Rondo shoot bien mieux que Carter Williams, qui est une vraie dope. Oh. Rondo, il a un geste horrible. Rondo, il a un shoot super lent. Carter Williams, il a un shoot horrible tout court. Mais après, pour revenir sur les Bucks, franchement, Parker, je trouve qu'il revient quand même super bien, quoi. Putain, parce que je pensais pas qu'il reviendrait aussi bien, aussi vite, quoi. C'est quand même un bon début de saison. Après, à voir sur la durée, il risque d'avoir peut-être le contre-coup, mais... Tu vois, pour continuer un peu, faire une petite transition sur ceux qui sont revenus, moi, ceux qui m'impressionnent, c'est Georges, hein, parce que, sa jambe, attends, il s'est pété la jambe, le mec, et moi, à chaque match où il a sorti une grosse frappe, le lendemain, quand il y avait un back-to-back, je me suis dit, ah, c'est bon, il va s'écrouler, le mec, tranquille, c'est bon, oh. Il était passé, il s'est pété la jambe, il revient en compétition, et là, il fait qu'enchaîner les cartons, et il est pas, position dans laquelle il est mis, c'est pas super évident non plus, hein. Il est obligé d'aller au combat, quand même, hein. Il peut pas se cacher avec la nouvelle. Georges, il était quand même un peu revenu déjà la saison dernière, il avait pu déjà un peu tâter le parquet, donc, c'est pas un retour vraiment directement des options. Après, je dis pas que c'était attendu. Il fait 25 points de moyenne. Il est sur 34 points sur les 4 derniers matchs. Bon, il envoie du pâté quand même. Mais c'est aussi la nouvelle philosophie des Pacers, de plus jouer le demi-terrain dégueulasse là, et de partir sur de l'attaque, on joue sur les pertes de balles adverses, on joue vite, enfin, on étouffe l'adversaire. C'est un style de jeu qui convient forcément à Paul George pour mettre des paniers. D'ailleurs, il se gave, hein, à 3 points. Ah bah il est en train, putain, c'est... Tu vois, ça c'était un des bons picks de la draft, qu'on en dise. Ouais, c'est... de la draft NFL NBA Non. Je sais plus, là, il était pris à combien aussi, Paul George. C'est Rashi. Ouais. Mais c'était... c'était juste avant moi, je crois. C'était un premier tour ou un deuxième? Un premier tour, je crois. Hein. Premier tour. C'est en top 5 si on enlève les techniques, parce que c'est le pire de la ligue pour l'instant en technique avec Griffin. 3 matchs, c'est pas. Mais sinon, ouais, sur son jeu intrinsèque, ouais, c'est impressionnant. Enfin, de revenir comme ça, enfin, comme Westbrook avait fait l'an passé, c'est fort. Après, il y en a. Enfin, j'ai envie de dire, il y en a un qui revient. C'est pas encore trop génial, mais bon, quand tu vois les points qu'il joue, on pourrait pas non plus trop lui en demander. C'est Randle. Il est pas mauvais, hein, je veux dire, le mec aussi. Il est très bon, Randle, il est très. Franchement, très bon. Il a fait Il a fait une saison. Il a fait quasiment une saison blanche la saison dernière, quoi. Il a joué 14 minutes. Ah, il a joué 12 minutes. Hein. C'est que il est même plus rookie. Hein. Ça, c'est quand même dégueulasse de la part de la ligue. Hein. Ah, mais c'est parce normal. Que... Bon, c'est normal. Oh, c'est dégueulasse. Normal. Le mec, il joue 12 minutes. Ah, quoi. C'est normal. C'est les règles. Pourtant, il a pas joué non plus. Il joue 12 minutes, il fait rien dans le match. Et le mec, il est même plus rookie. Quoi. Ah. C'est ça. Ah, ouais. Ouais. C'est... De toute façon, il n'aurait pas été roi. Hein. Bon. Non, il n'aurait pas été. Mais bon, pour la symbolique de dire il n'a pas commencé sa première saison au jour 12 minutes en se pétant la jambe. Quoi. D'ailleurs, ah, pour la... 12... Russell ne sera pas non plus hein, au dernier. Non, mais. Bon, après, il est mal. C'est dur pour Russell. Il est super mal géré, quoi. C'est clair et net. Ah oui, Russell. Le problème de Russell, c'est qu'il arrive pendant le jubilé de Kobe, donc pendant 82 matchs, Kobe, à un moment donné, il va prendre la balle, il va faire n'importe quoi. Ouais. Bon, déjà, sportivement, c'est mort. C'est bon, c'est mort. En plus, de deux, il a Jordan Clarkson qui joue à son poste. Qui joue à son poste, hein. Poste. Et qui joue sa peau, parce que Clarkson, il a tout à gagner. Il va pas faire cadeau à Russell, hein. Il est pas là pour lui mettre un coussin et lui dire, tiens, Boto, t'es numéro de la draft. Je vais te donner les ballons, je vais te laisser jouer, hein. Il joue sa carrière également. C'est dur pour lui, mais je pense qu'il faut attendre. Faut savoir être patient, c'est normal. Mais c'est très difficile pour lui de se mettre en évidence. Il a aucune liberté. Et après, moi, un truc que je comprends pas, c'est le mec, il est jeune, de toute façon, tu sais que tu vas faire une saison dégueulasse, et il ne fait jamais jouer en quatrième carton, quoi. Il joue jamais les quatrièmes cartons, mais après, il fera des mauvais matchs, c'est sûr, mais bon, si tu fais pas jouer les quatrièmes cartons, au bout d'un moment, c'est complètement. Voilà, quoi. Et pourtant, le gars, il a une. Byron Scott a une impunité, t'as l'impression que le mec. Il peut faire des mauvais matchs, les gars. Byron Scott, c'est le pire fit, enfin. C'est con à dire, mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait fallu avoir d'Anthony, quoi. Genre, il n'y a que des shooters, il n'y a que des maboules dans cette équipe. Tu mets pas un mec super rigide. Tu ne prends pas un entraîneur rigide dans une équipe de maboules. Ce qui est dommage, c'est que c'est quand même plutôt un playmaker, un mec qui joue la passe, et malheureusement, le shoot a... Ouais, mais il score beaucoup, mais il est connu pour faire de très belles passes, d'avoir une très bonne vision de jeu. Il est en NCAA, il a quand même fait des sacrées passes, vraiment. Enfin, moi, je le vois plus comme un passeur-shooter, mais quand même un mec qui... Pas un rondo, pas un mec qui cherche la passe à tout prix, mais bon, un mec un peu plus passeur. Mais le problème, c'est que, bon... Déjà, son shoot, malheureusement, bon, c'est pas sa saison. Mais en plus de ça, il peut pas se reposer sur la passe parce qu'il n'y a pas un mec qui s'est shooté autour de lui. Non, mais après, il a aucun espace. Enfin, moi, je le vois jouer. C'est vrai que son shoot, il est en délicatesse, mais il n'y a personne pour l'aider à prendre des bons shoots aussi. Il n'y a aucun mouvement. Il distingue pas sur la passe. Kobe, il brique. Le 3, il brique. Randle, bon... C'est pas Hibbert que tu vas demander. De prendre des shoots aussi. Bon, il a pas de chance, quoi. La tête des Lakers, c'est une catastrophe. Et puis surtout, il a très peu le ballon, quoi. Il remonte très peu le ballon, c'est souvent Kobe, quoi. C'est Kobe, c'est la balle à Kobe, quoi. Donc c'est un peu dommage, quoi. Ça pas laisser attendre. Oui, non, mais il faut qu'il soit pas. De toute façon, c'est pas même. Enfin... C'est pas une saison charnière pour lui parce qu'avec Kobe, on saura jamais ce qu'il est capable de faire. Et un joueur comme Russell, au poste où il joue, a besoin de toucher le ballon, a besoin d'avoir des sensations avec la NBA, une sensation des positions qu'il jouera, des minutes, des secondes, etc. avec la balle, chose qui est très maigre à l'heure actuelle parce qu'il a Kobe en face de lui, il a Clarkson qui joue sa peau, derrière ils ont mis Nick Young, ils ont mis Lou Williams. Ils l'ont pas aidé, hein, le garçon, très clairement, hein, ils l'ont pas aidé. Hein. Non mais c'est voilà. Après, je pense que pour lui, pour Clarkson, pour Randle, je pense que ça sera beaucoup mieux la saison prochaine quand Kobe sera plus là. Évidemment, en plus Byron Scott sera plus là non plus, donc ça sera bien. Non, mais voilà, ils auront ce point en moins, c'est-à-dire que là Kobe est là, faut absolument Kobe fasse. En plus c'est son jubilé, donc faut absolument Kobe fasse ses stats machin et tout. Donc voilà ouais, quoi. Je veux dire Kobe... La saison prochaine, quand Kobe sera plus là, quand il a repris sa retraite, quoi. Déjà, je crois qu'il sera un peu plus libéré, je pense. Kobe, ça fait trois saisons quand même que tout le monde sait que bon, tu peux pas, tu peux pas progresser avec un mec qui est bah malheureusement. Ouais. Trois saisons. Il y a eu tellement de blessures. C'est juste parce qu'il s'est blessé. Hein. Il s'est pété deux fois. Tu vois quand même que le mec. Il y a que ça. Hein. Attends, il y a que ça hein, pour arrêter Covid. Sinon, il aurait dit une bague là. Après Kobe, je le reproche rien, c'est vrai que beaucoup, enfin, j'ai lu beaucoup que lui reprochait son contrat maintenant avec ce qu'il a apporté à la franchise, quoi, j'ai envie de dire. J'ai un peu de mal avec lui avec son contrat qu'il a pris que Steve Nash qui a pris beaucoup moins et qui. Ah, je suis pas d'accord. Voilà, il a rêvé le péter de partout et à la fin, enfin, sur sa dernière saison, quand on lui a dit, bah, vous êtes tout le temps blessé, prenez votre retraite, quoi. Et le mec, il a dit non, je suis là pour prendre le pognon, quoi. Ça va, moi je suis totalement d'accord parce que faut arrêter avec le sens du sacrifice qu'il y a, enfin notamment enfin le David West là qui lâche 12 millions de dollars, enfin c'est admirable, mais enfin pour moi, il faut pas que ça soit considéré comme quelque chose de comme la référence à si. Ce qu'il faut faire, parce que c'est leur job, ils sont là pour prendre de l'argent, ils sont pas là pour laisser les proprios récupérer tout l'argent de Je suis d'accord, non, je sais pas, attention. Le sport, c'est le seul marché du travail où les travailleurs gagnent mieux leur vie que les entreprises, hein, limite. Ah, c'est ça. Voilà, après, bon, Akuma Kobe, effectivement, il prend 24 millions d'euros l'année, ça. C'est pas mal, surtout que la saison dernière, il a quasiment pas joué. Mais franchement, ça va, quoi. Le mec, quand tu vois ce qu'il a apporté à la franchise, enfin voilà. Ah, mais ça a jamais été. Le mec, il a pris 5 bacs quand même, c'est pas non plus. Voilà. Ouais. Ce sont des ignorants qui critiquent le contrat à Kobe. C'est un contrat, enfin le contrat lui-même il est dégueulasse, mais par rapport à ce qu'il représente, enfin c'est pas, enfin on peut pas lui en vouloir. Oui. Bon, et puis même par rapport à l'effectif des Lakers, tu dis bon, tu t'en fous que le mec prenne 24 millions, de toute façon Kobe ou pas Kobe, les mecs ils vont rien faire quand même. Puis bon, ça serait leur donner des mauvaises idées. Franchement, ça serait leur donner des mauvaises idées que leur filer du fric, hein, aux Lakers en ce moment, j'ai l'impression. Donc, c'est pas plus mal qu'ils. Les cyniques diraient que ça les arrange un peu, tout ça, le cercle avec Kobe, enfin le Byron Scott qui fait n'importe quoi, parce que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le pick, ils doivent terminer dans les trois pires choix. Toi qui regardes les matchs et qui dois te taper ce spectacle. C'est une horreur, quoi. Philly Lakers, je me manque quand c'est, mais on va se marrer, hein. Mais c'est non mais voilà, enfin je veux dire quand tu vois le 5 de départ, tu te rends compte qu'il y en a qu'un seul qui est à peu près défensif, quoi, c'est Hibbert, parce que les autres c'est même pas la peine de leur demander de défendre, c'est pas possible. Donc voilà, c'est enfin je veux dire sur les premiers matchs c'était 130 points de moyenne quasiment, quoi. On pourrait 130 points de moyenne, quoi. Les Lakers ont une perspective d'avenir, parce que si tu veux qu'on parle d'équipe pourrie pour 5 ans, il y a Brooklyn, hein, mon gars. Oui, c'est sûr. Ah oui, non, mais effectivement, avec Randall, Clarkson, Russell notamment, effectivement, sur l'avenir, c'est pas mal. Mais voilà, de toute façon, on s'attendait à ce que ça soit une saison un peu dégueulasse, quoi, mais peut-être pas à ce point-là quand même, mais parce que voilà, là, on est sur un 2-9 quand même. Ce soir, on joue Toronto, donc ça va faire 2-10 direct, ça, c'est clair et net. Ouais, dis-toi que t'es à 2-9, que t'as quand même 3 équipes derrière toi encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, Max, est-ce que toi, tu préférais qu'ils terminent dans les trois pires records ou tu veux les voir essayer et quitte à terminer quatrième ou cinquième et refiler leur pic à Philadelphia. C'est un peu compliqué parce que le truc c'est que le problème c'est que j'ai envie de dire en plus bon là Kobe qui va partir, il va manquer un poste 3 parce que c'est pas avec Meta Warpiste qu'on va faire une saison, voilà. C'est compliqué, on sait qu'il y a des postes 3 de qui sont free agents cette année, mais on les aura jamais, c'est mort, enfin voilà. Donc on pourrait essayer d'en choper un par la draft, mais ça annonce encore une saison compliquée, quoi, c'est ça le truc, quoi. C'est le problème de la draft, enfin moi j'ai regardé un peu, c'est que ça reste, je crois que ça va être une draft d'intérieur encore. J'ai regardé un peu, je crois qu'il y a que Simmons qui joue en 3, je crois qu'il joue 3. Mais à part ça, c'est une bonne draft d'intérieur. Et malheureusement, les Lakers, à l'intérieur, je ne sais pas s'ils ont besoin d'un autre joueur. Ils ont déjà Randle. À moins de choper la Bissière en pivot. Mais bon, ce sera peut-être le numéro 1. Bon, va falloir chatter, quoi. Bah, surtout quand, enfin, déjà à l'intérieur, bon, même si Hibbert, il est plus au niveau qu'il a pu avoir. T'as Randle, t'as Bass, Black, c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Ça va. Ah, ah, Hubert, c'est un bon titulaire. En plus, Hubert, un pivot défensif, c'est assez rare. Hein, donc, Non, mais moi, je le coupe court. Hein. C'est, pour moi, c'est un faux problème. Hein, parce que quand tu reconstruis une équipe, tu prends les meilleurs joueurs disponibles à la draft. Hein, d'ailleurs, big up aux Charlotte hein, pour ce qu'ils ont fait. Tu prends le meilleur joueur disponible, tu poses pas la question. Et au pire des cas, tu réajustes ou tu refais un trade derrière pour capitaliser sur la valeur du joueur que tu as drafté. Ouais, enfin, la Ford. Regarde, Tyrus Thomas, il a été tradé contre la marque Sadrige. Hein, comme ça, hein, mais bon. Et Cleveland, Cleveland. Faut dire qu'on a eu quand même, on a eu Kobe grâce au trade. Hein, enfin, ouais. C'est un trade énorme quand même. Même si Divac, effectivement, c'est un. Même là, il y avait eu, je me souviens, à une époque, il y avait eu Love, non, qui avait été drafté par un Grizzlies. OJ Mayo contre Kevin Love. Ouais, contre Love. Ouais, c'est. Voilà, quand tu chopes Kobe après. Enfin, on draft après la. Ouais, après Kobe, en même temps, c'était une époque où il sortait du lycée. D'ailleurs, il a pas fait des premières saisons de fou. Ah, je sais, j'ai envie de dire ça. Ça peut se comprendre. Le trade limite peut se comprendre, tu vois. Tu penses pas que Kobe a un potentiel de futur Hall of Famer avec futur champion. Enfin, tu le penses pas forcément. D'ailleurs, il draftait quand même assez loin, 13e, je crois. Bon, grosse draft, ouais, 13e, mais très très très grosse draft. Hein. Après, je suis pas d'avis du fait, j'ai jamais été d'avis du fait de prendre le meilleur joueur. Moi, je préfère prendre le meilleur fit parce que je suis désolé. Je suis curieux, tu dis ça par rapport à ce qu'a fait Cleveland avec ses non, mais, shots, non, mais Cleveland, je cherche plus à comprendre les picks de Cleveland. Tu sais, regarde, je fais bon, de toute façon, les mecs sont très bien. Moi, je pense que la pire erreur. Une des pires erreurs avec Cleveland, c'est quand même d'avoir lâché Wiggins hein, pour Love. Hein. Profiter quand même de 3 ans de Wiggins. Je trouve pas ça comme un très mauvais choix. Parce que Kevin Love, cette saison. Et il soit là en finale sans lui, hein, quand même. Pour utiliser un intérieur à 3 points. Le problème, c'est l'utilisation de Love. C'est pas Love, le joueur en lui-même, c'est l'utilisation. Ce qu'il faut avec Love, ça sert à rien. Avec Bosch, ça marchait parce que Bosch était très très très bon en défense. Bosch pouvait te faire gagner des matchs en défense. Love, cette saison est bien meilleur en défense, je te le dis. Il sera jamais au niveau de Bosch. Ouais, bon, c'était une passoire la saison dernière. C'est quand même beaucoup mieux cette saison parce qu'il sera pas du niveau. Après, on verra en playoff. On verra en playoff aussi. Je pense que Kevin Love joue mieux cette saison. Maintenant. Il est très mal utilisé, Love. Parce que moi, je trouve que c'est du gâchis de laisser un mec dans le corner et d'attendre. C'est du gâchis, hein, parce que Love, il peut faire autre chose. Il peut faire autre chose. Et LeBron serait même plus gagnant à laisser plus de play à Love, d'aller plus se chercher et à moins monopoliser la balle. D'ailleurs, ils ont fait un très, très, très, très, très bon coup en reprenant Mo Williams, parce que Mo Williams, justement. A eu l'habitude de jouer avec de LeBron hein, parce que ça n'a pas changé hein. LeBron depuis qu'il est en NBA ses équipes elles jouent pareil hein, donc du coup ça a facilité je pense pour lui son intégration et il fait vraiment il soulage il fait une très belle saison hein, franchement et même quand Irving reviendra en backup ce sera un très très bon joueur hein. c'est un remplaçant de luxe hein, quand même Mo Williams encore à ce niveau là. Par contre, l'homme au 80 je pense qu'il passera même dans le. Je pense que dans le Money Time, il passera même dans le. Ça dépendra de la forme du soir de J.R. Smith, quoi. Et de Schumpert, à la limite. Mais bon, on parlait de contrat tout à l'heure. On peut féliciter Smith qui n'a pas voulu prendre son option et qui sera moins payé cette saison. Je pense qu'il faut le féliciter. Féliciter le patron, quand même. Qui sera moins payé cette saison que ce que son option, quand même. Il a voulu tester le marché. Non mais Smith dans la mentalité bon tu cherches plus non plus hein, tu sais c'est comme le front office de Cleveland tu cherches plus tu regardes les décisions et tu dis bon ok voilà. Anthony Bennett c'est un sacré quand même parce que le mec n'avait même on la draft c'était pas un first pick. Ah non c'était pas c'est ça le pire non, c'est que il était et le pire c'est que avant la draft déjà il y avait déjà des questions par rapport à ça donc son poids taille et donc son intégration en NBA c'est ça le pire. Bon, après en numéro 1 draft il y en a eu encore plus dégueulasse hein. Que Bennett par contre ça va Brown laisse tomber quoi franchement quand faut quand même Bennett, le mec, il passe de premier choix à jouer au Canada en 2 ans, je crois. Donc c'est... Ouais. Ça va être dur à battre en termes de... Jouer, bah, il y a eu des sacrés premiers picks. Il a même été coupé, non? Oui, il était coupé. Oui, c'est énorme. Un premier choix de la draft NBA qui te coupait. Papa. C'est dur, hein, quand même. C'est dur, mais bon, voilà, Bennett. Bon, après, la draft de Bennett, si je me souviens bien, elle n'est pas exceptionnelle hein, cette année-là. Ouais, il y avait Oladipo, mais bon, ils avaient pris Ils avaient pris Waiters et quand ils auraient pu avoir je sais plus trop qui d'autre derrière, parce que c'est pareil, ils avaient drafté justement, ils avaient drafté à la position et pas au meilleur joueur. Surtout pour Bennett, c'est surtout à la position qu'ils avaient drafté. Mais Bennett, enfin, j'ai dit que j'étais pour drafter à la position, mais dans une certaine mesure, dans la mesure où t'as des très bons joueurs, là, je dirais Bennett, quoi. Il y avait tout. Là, tout le monde avait des doutes sur Bennett, quoi. Le mec n'avait first pick, ça lui a mis une pression horrible. Allez. Dans sa draft, il y a quand même Oladipo, Otto Porter, Noel, Caldwell Pope, Burke, McCullough, McCarthy Williams. Ouais, mais Noel, c'est un mec blessé pendant un an. Cleveland, même s'ils sont foirés, hein, ils voulaient quand même aller en playoff. Ils n'avaient pas le temps, ils avaient peut-être pas forcément le temps d'attendre un an. Et bon, Otto Porter, bon, je peux pas vraiment dire. Hein, je sais pas si Cleveland pensait déjà à faire revenir LeBron James à la fin. Je sais pas du tout. Et Carter Williams, ben, il y avait Irving. Tu prends pas Carter Williams, quoi. Je veux dire, moi j'ai regardé. Après, il y a quelques mois, je me suis dit, parce qu'il y a eu des débats. Bennett, il se fait couper. Bravo Cleveland. Et j'ai regardé un peu la draft et je me suis dit, le choix est pas idiot en soi, ça a complètement foiré, mais le choix n'est peut-être pas si idiot que ça quand tu vois la draft et ce qu'on aurait pu faire. Après, je dis quand même que c'est un choix débile. C'est un choix de merde, mais je trouve que ça peut se comprendre quand tu regardes la draft et quand tu regardes l'équipe qu'avec lui. Je suis désolé, hein, mais quand tu sélectionnes ton premier choix et qu'il est coupé 2 ans après, ton choix c'était de la merde, hein, dans tous les cas. En conclusion, ton choix c'était de la merde, et pas. Va chercher à comprendre. Mais c'est intéressant de parler de la draft. Il y a Gobert aussi, hein, dans la même draft. Pour faire choisi 27e. Pour changer de sujet et faire une transition avec la draft, je pense que c'est bien de féliciter les Knicks qui ont eu les couilles de prendre Porzingis, parce qu'il est monstrueux. Hein, Porzingis, franchement, j'ai vu beaucoup de matchs des Knicks et à chaque fois, il me met sur le cul parce que il a 20 ans, il joue de manière très très très intelligente. Je suis assez impressionné parfois par ce qu'il est capable de faire, et c'est pas nécessairement quelque chose techniquement, hein, c'est juste dans l'intelligence du jeu et le bagage technique, ce qu'il peut faire au poste, le fadeaway, etc. Il a énormément de talent et il est physique. Il a envoyé les claquettes sur toutes les stars de la ligue, hein. D'ailleurs, c'est un peu le délire maintenant à New York de savoir sur qui il va claquer un rebond off. Les fans de New York. Surtout que, il faut le dire, il avait quand même une pression énorme parce qu'il se fait huer, quoi. Ça, c'est la base, ils le font tout le temps. Ils font tout le temps, ça. À chaque draft. Rituel. Shumpert, il en a pris plein la gueule aussi. Ils en ont tous pris plein la gueule, hein. C'est pas une. Gary en a pris plein la gueule aussi. Tu vois le niveau des fans à New York, quoi. Ouais, bon, c'est vraiment dur, ça. Ouais, bon, enfin. Tous les ans, ils se font. Il aime bien maintenant. Tu vois qu'il aime bien maintenant pour signer. Vu ce qu'il fait, oui, ils peuvent essayer. Et justement, tu parlais de choix de draft, il fallait prendre le meilleur. Okafor Noël, ça se marche dessus complètement. Okafor Noël, c'est incroyable. Noël, il se fait bencher. Mais moi, je regardais. C'est pour ça hein, que j'ai pas voulu, parce qu'on a failli faire un trade, hein, justement, Horford contre Noël notamment. Et moi, j'ai pas voulu faire le trade finalement, parce que j'ai regardé jouer Philadelphia contre Dallas. Il est chez père, enfin il est perché, hein, Noël. Il joue poste haut, il a aucune qualité de passe, il sait rien faire. Il sait rien faire, le pauvre. Il est paumé, le pauvre. Il est en haut, stades, il est là. C'est choquant. Les stats de Noël sont parlantes. Près du cercle, c'est un 50% minimum. Hein. C'est un très. Il met ses shoots près du cercle. Le problème, c'est qu'il, comme il joue 4, c'est lui qui s'écarte. Sauf qu'il n'a aucun. Jumper, à plus de 3 mètres, il tourne à quoi? Même pas 20%. Il est immonde. Ah, Ils s'en foutent, de toute façon. Et de toute façon, ils sont là pour développer au cafard. Hein. Ouais, Noël, ça va rebasculer après. Hein. Moi, je pense qu'il va rebasculer. Il va jouer plus haut au cafard après. Mais c'est une question d'adaptation, je pense. Parce que Noël, bon, faut le garder, quoi. Le défensivement, il est. Pareil. Oui, c'est un rim protecteur, quoi. Mais Noël, il sera gardé parce que c'est un rim protecteur. Voilà. Franchement, il est intéressant. Bon, il. Oui, non. Non, bits, non mais. Ce moment, mais bon, voilà, il perd beaucoup de ballons à Noël quand même. Non, mais Noël, est plus intéressant qu'Embiid, quoi. Déjà, c'est. Bah. Embiid, enfin voilà, quoi. Hey, j'ai l'impression qu'il porte bien son nom, quoi. Eh, sans la blessure, peut-être qu'Embiid il passait devant Wiggins, hein. Sûrement. Si Embiid arrive à revenir, bon, ce qui n'est pas gagné déjà, faudra voir comment ça va évoluer aussi. Si Embiid fait des prestations intéressantes, il va y avoir un trade. Tu gardes pas les trois pivots comme ça. Enfin, je trouve pas ça viable. Et là, ça peut devenir intéressant. Parce que si les trois jouent pas trop mal, déjà, qui c'est qui va sauter? Bon, on se doute que ce sera pas Okafor. Est-ce qu'ils vont faire sauter Embiid ou Noël? Quelle contrepartie? Philippe peut jouer gros hein, sur ce trade. Et c'est pour ça qu'il garde Embiid. Hein, parce que s'il revient, il joue gros. Hein. Ça peut être intéressant aussi. Déjà ils n'ont pas le choix, surtout. Ils ont rien à perdre. Hein. De toute façon, ils n'ont rien à perdre avec Embiid. Maintenant, ils jouent beaucoup de saison. De toute façon, maintenant... Là, ils peuvent choper encore un choix de draft. Ils vont choper encore un super choix de draft vu comment ils sont partis. Et ça... Ouais, moi j'ai hâte de voir ça, quand même. Hein. Alors, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à Philippe. Moi non plus. C'est bien d'empiler les choix de draft, mais moi non plus. Moi je vais dire pourquoi je crois pas trop. Parce que l'apprentissage doit passer par gagner des matchs et par vouloir en gagner. Philippe ne veut pas en gagner des matchs. Ah, et, je suis d'accord avec Charlie. Ah là là. Et ouais. OKC a démarré. Non, mais le problème des Sixers, c'est que le problème des Sixers et le problème de toutes les franchises en NBA, ils ont pris OKC comme exemple. Déjà, il n'y a personne qui draftera comme OKC dans l'histoire. Oui, c'est impossible. Ça, déjà, tu ne draftes pas Durant, Westbrook, Harden, Ibaka d'affilée. Ça n'existera pas et ça n'existera plus. Ça ne peut pas exister. C'est juste de la logique. Tu ne peux pas drafter des joueurs aussi dominants d'affilée. Et si tu. Durant. Il a passé sa première saison, il a essayé d'en gagner des matchs avec Seattle. Il avait des responsabilités, on lui a donné le ballon, on lui a dit vas-y, fais-nous gagner des matchs. On sait que ça va être galère, mais tu vas tenter de nous faire quelque chose. Ils ont pas tanké, hein. Ils ont pas tanké enfin, que ça. Ils ont fait du tank un peu passif. Par exemple, ouais. Westbrook au départ, c'était pas un bonheur. Donc mais Westbrook, c'est il avait limite un style. Hein. Mais c'était le process. Mais alors que ouais. Philly. Tu sais que si le mec il est pas assez bon, ils vont le trader pour un mec l'année d'après et chaque année. Bah, pareil, ils construisent pas, voilà. Ils sont pas en train de construire des joueurs, ils sont pas en train de construire un truc. Non, mais pour le moment ils empilent, hein. Oui, on sait, mais après, bon, tu vois la gueule du 5, tu te dis les mecs ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils vont pas gagner un match. Ouais, je suis désolé, Toscas il est titulaire, tu te demandes comment il fait. McConnell, bon, avec Vroton on va se marrer, avec Marshall on va se marrer aussi. Bon, tu vois le 5, tu dis ils peuvent aller à fond, ils gagneront pas un match, quoi. Donc autant. Mais justement, enfin, mais ça c'est. Autant faire évoluer Embiid de Noël au maximum. Et bon, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que pour le moment, c'est pas top, quoi. Ouais, moi j'espère pour eux qu'ils vont jouer Simmons, quoi. J'espère pour eux qu'ils vont choper Simmons. Sinon, c'est plus chiant. Ils ont Simmons, mais ils ont Saric, je crois, qui arrive hein, aussi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Et Saric, il est quand même très intéressant. Hein, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, c'est pas de la merde. Hein. Ouais, mais il serait capable de drafter encore un pivot. Hein, c'est... Ah oui, là, ça va. La Bissière, c'est le numéro 1 pour le moment. Enfin, il est considéré comme numéro 1. Et c'est un pivot. Ouais, mais ça se trade, ça se trade. Je dis pas, mais bon, quand Max dit qu'ils sont capables, je dis ouais, franchement, les mecs sont capables de reprendre un pivot. Juste pour l'upside. Ouais. Ça ne tient qu'à une casquette, hein, le sort de la draft. Hein. Ouais, puis en plus, je veux dire, la draft, le mec est généralement qu'on désigne numéro 1, c'est rarement numéro 1 en fait, à la fin, quoi. Un mois avant, Okafor était numéro 1, quoi. La March Madness, il a quand même chuté, ouais. et quand on a su que c'était Minnesota. De toute façon, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Je m'en souviens, à un moment donné, il n'y a plus de débat. Dès qu'il y a eu Minnesota First Pick, déjà, il n'y avait plus de débat non plus. Non, mais de toute façon, Non, mais même Kate, il allait être pro numéro 1 dans tous les cas. Hein. De toute façon, ils ont compris, ça s'est vu. On l'a vu dès le premier match que c'était justifié. C'est pas si catégorique que ça, je pense. Mais après, oui, c'est son match. Clairement, pour moi, Carl Anthony Towns, c'était clairement le numéro 1, que ce soit Minnesota ou les Lakers. C'était leur choix numéro 1, quoi, clairement. Même les Lakers, je l'aurais pris, clairement. Voilà. Carl Anthony Towns, Rundle, putain, j'aurais bien voulu les voir ensemble quand même. Hein. Mais quand tu regardes Towns en même temps, bah, c'est un mec qui sait attaquer, c'est un mec qui sait défendre et il fait les deux. C'est un two-way player, comme on dit. Genre, tu vois ça, tu dis, t'es obligé de le prendre, quoi. Parce qu'Okafor, bon, il est mignon en attaque, mais bon, c'est pas un monstre défensif, quoi. Donc, C'est même un chibre, tu peux le dire, il est nul à chier. Hein. Il a eu une chance, je crois, de fou, c'est que bah, Pekovic se blesse, donc bah, il part direct titulaire, quoi. Et donc, bah, il empile les matchs, il empile les stats, et bah voilà. Hein, c'est quand même un 4 super intéressant, hein, parce que il sait shooter, et quand même, défensivement, il a une grande envergure, il impose. C'est pas, je sais pas si on peut dire rim protecteur non plus, parce que il défend quand même plus au large vu que c'est un 4. Mais il a une couverture avec son envergure et ses qualités athlétiques. Ça fait un peu y penser à Ibaka au contre, quoi. C'est impressionnant. Tu dis, tu l'as en face de toi, tu dis putain. Mais si en plus le gars est quand même un super joueur offensivement qui te punit à 2 points et à 3 points. Tu passes pas à côté de ça, quoi. N'importe quelle franchise ne peut pas passer à côté de ça. C'est un joueur trop complet, quoi. Et on parlait d'avenir. Oui. Je pense que Minnesota, avec Towns et Wiggins, ils sont bien. Quand t'as Wiggins aussi, ça va. Hein, c'est... Bah, athlétiquement déjà, ça va chercher KD Westbrook au niveau du duo dans le potentiel. Athlétiquement, même peut-être plus fort. Bah, même défensivement, hein, parce que Wiggins c'est aussi un bon défenseur. Hein. Donc tu vois, c'est même pas deux. Faut voir, mais je trouve que c'est un bon défenseur quand même. Hein. C'est pas un génie, c'est pas un butler, mais bon, il défend pas comme. Peut défendre. Dans tous les cas, il peut défendre. Il doit savoir défendre. Dans tous les cas, il devrait savoir bien défendre. Il a les qualités physiques pour. De toute façon, la défense, c'est que l'anémigration, c'est que. Enfin. Et enfin, c'est rien de compliqué à défendre. Là je regarde leur roster. En plus, ils ont 11 Lavin qui est quand même pas mal en ce début de saison, quand même. Il est plutôt bien. Bielitsa, ça va. C'est Bielitsa, il a 27 ans. Il a encore quand même de bonnes années. Hein. Après, Lavin, il profite pas. Il a profité un peu de l'absence de Rubio, mais je trouve que. Bah, il utilise bien ses minutes. Il a eu des petites minutes. Il a enchaîné, mais en début de saison, enfin en tout début de saison, c'était pas pareil. Hein. D'ailleurs, enfin Rubio pour moi c'est pas vraiment un gagner un streak Rubio, ça c'est compliqué. Mais même avec Lavine, parce que Lavine c'est quand même un joueur à vocation extrêmement offensive. C'est un mec que tu fais sortir. C'est un mec que tu fais sortir du banc. Et je sais pas si, enfin Rubio en titulaire pour gagner un titre, je suis pas convaincu. Franchement, moi quand je vois Rubio jouer, non. Ça c'est pas tiré, mais franchement, c'est des top 5 en défenseur et en meneur de jeu. Enfin, c'est pour moi, c'est un des joueurs les moins. Franchement, je suis pas convaincu. J'aime bien Rubio. Il a cette qualité du mec qui sait pas tirer et qui tire à 30% et tout ça, mais en dehors de ça, c'est. Bah, c'est surtout un mec qui se blesse beaucoup, quoi. Ouais, moi je pense que c'est Rubio, c'est super pour jouer avec Wiggins et Towns déjà, parce que il a du coffre. Rubio il a du coffre, c'est sa meilleure à l'européenne, donc il sait jouer, il a quand même une vision de jeu un peu plus que le meneur standard américain. Et après c'est le problème avec Rubio, moi j'aime beaucoup Rubio aussi, mais c'est sa fragilité, hein, pour savoir s'il peut s'inscrire avec Wiggins et Kate. C'est la question, moi je pense que la problématique va se poser là. Hein. Et c'est dommage, hein, parce que c'est un joueur très très intéressant. Très très intéressant et très passionnant à suivre, parce que des profils comme lui, il n'y en a pas non plus énormément. Quoi. C'est ça, début de saison, c'est quand même pas mal. Hein. 11 points, 8 passes par match, c'est pas mal. Rubio, par exemple, il, de ce que j'ai vu, il joue mieux offensivement. C'est pas non plus un mec à 45%, mais il a un meilleur jumper qu'avant, je trouve. Je crois qu'il a dit de toute façon qu'il s'entraînait ça tout l'été parce que c'était un point important de son jeu. Je pense, en tout début de saison, moi j'ai vu du mieux. Moi j'ai vu du mieux personnellement. Non, moi, je, enfin, le pourcentage, ça veut rien dire. Enfin, si ton équipe, si t'es le meilleur tireur, tu joues 30 minutes et t'as 35% et que ton équipe gagne, ça veut dire que quand tu mets des points, c'est que tes points, ils comptent, en tout cas. C'est pas nécessairement mauvais pour une équipe d'avoir un joueur qui soit des standards vraiment bas au niveau du pourcentage de l'adresse. Hein. Non. Les stats, faut les interpréter aussi. Hein. Et ils font un bon début de saison. Hein. Minnesota, ils font quand même un très bon début de saison. Parce qu'ils sont quand même allés. Déjà, ils sont allés gagner. Dernièrement, ils sont allés gagner à Miami. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné à Miami. Parce que l'intensité défensive que Miami met, pas énormément d'équipes pourront résister dans les derniers quart-temps. Et ils leur ont quand même collé une sacrée piquette. Hein. Bon, après, j'ai pas vraiment regardé très approfondie si c'était lié au rythme du match. Mais. Quand tu vois, enfin moi je vois le roster, il y a un 5, tu peux mettre un 5 pour moi, assez énorme. Hein. Rubio, Lavin, Wiggins, Bielitsa et Tons. Ouais, je suis pas pour convaincu ça par ça peut être pas mal quand même. Rubio, Lavin, je suis pas convaincu. Bah, oh. Lavin est plus un shooter, donc je pense que avec bah, un passeur, ça peut être. Justement, Lavin, je sais pas, c'est. Je le trouve trop. Peut-être trop irrégulier encore. Je suis pas sûr que ça marche. Après. Ah mais là, Lavin c'est un talent brut. Hein. Je veux dire, il peut tout devenir. Je veux dire, il a les qualités athlétiques pour faire tout ce qu'il veut. Il a un bon shoot quand même. Ça va, il sait shooter. Son dribble est plutôt correct. Donc je pense qu'il faudra qu'il bosse quand même un peu plus s'il veut jouer meneur. Mais il a quand même toutes les qualités pour pouvoir proposer plusieurs profils à l'avenir. Il faut voir son évolution, mais ça reste un talent brut. Ça reste intéressant vu son âge. Vu son âge, il a 20 piges quand même. 20 piges, c'est fou quand même. Je vais voir Tons, il tourne en double-double. Quoi. C'est énorme, putain. 15,8 points et 10,7 rebonds, quoi, putain. Bon, après, il a 4 blocs. Hein. Après, je dis pas qu'on s'y attendait, mais bon, là, en plus... Moi, je m'attends... Moi, okay, je m'attendais à un 18-8-2, quoi. Franchement, moi, j'ai dit, début de saison, c'est un 18-8-2. Le 25-5 de Stanley Johnson aussi, je l'oublie pas. Ouais, le 25-5. j'y crois toujours. Tracy McGrady. Moi, j'attends toujours de voir la réincarnation de Tracy McGrady. Hein. Pour l'instant, j'ai vu un airball contre les Kings. Pas mal, d'ailleurs. T'inquiète, le 25-5. Ouais. Enfin, niveau airball, je pense qu'il y a un mec qui est juste imbattable. C'est Huertas. Tu rigoles, mais Nerlens Noël, il en a fait des beaux, hein, des airballs à 5 mètres de la ligne, j'en ai vu. Hein. Non, mais t'as vu quand il se retourne et qu'il tire comme ça, enfin, tu dis, mais ouais, bon, ouais, c'est marrant, mais bon, tu peux pas lui reprocher, quoi. Le mec, il reste 2 secondes au chrono, il fait un shoot, c'est même pas un shoot, tu vois, c'est une balle lancée en arrière. Bon, Huertas. Ok. C'est... Ouais, c'est... Bon, il a l'air marrant comme gars, moi j'ai envie de le voir. Parce que dingue, en Euroleague, il était bon, mais en NBA. C'est un bon meneur, mais je te dirais que les bons meneurs d'Euroleague qui ont bidé en NBA, ce serait pas nouveau, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là aussi? Pourquoi ils l'ont pris, le pauvre? Il a 32 ans, quoi. C'est, voilà. Il a 32 ans, bon, il va jouer en NBA dans les Lakers, bon, c'est un peu... On va dire que le prestige fait un peu rêver, même si, bon... C'est un cadeau pour lui. Non, mais bon, il pourra dire j'ai joué pendant la Lakers. Bon, il dira pas à quelle période. Il dira pas à quelle période il a joué, mais il dira j'ai joué pendant les Lakers, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que pour nous, bon, allez. On fait quoi les finales de conférence? Je pense que ça peut être pas mal. Ah ouais. Alors, à l'ouest, allez, moi je vais dire. San Antonio, Warriors, c'est classique, mais pour moi, c'est les deux meilleures équipes. Toi, hein. Les équipes les plus constantes, et je pense à ce niveau-là, ça fera la différence. C'est pareil que toi. Moi, moi aussi. C'est pas normal. Désolé, je mets pas les Spurs. Hein. Voilà, un peu de changement. Je suis pas convaincu par les Spurs. Hein. Je suis désolé, mais depuis le début de saison, ils tapent des équipes qui ont bidé. Hein. Ils ont tapé Philly, Brooklyn, Boston. Faut arrêter un peu 30 secondes. Boston, ils font un super début de saison, Boston. Mais ils font un super début de saison à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas une. C'est pas... Mais ils sont allés gagner au Casey. Ils sont allés gagner à Houston. Ils ont perdu à Dallas. Et Houston, c'est plus un exploit. Ça va. Houston, c'est pas un exploit. Hein. Quand tu vois comment qui perd Houston. Ah, ça va. Houston, ils sont allés gagner. Ils ont pas un si mauvais bilan que ça. Ils sont allés quand même taper les Clippers, hein, chez eux. Ils sont pas positifs, quoi. Certes. C'est pas positif. Donc bon, pour Houston, pour moi, c'était pas positif, c'est que c'était un bilan de merde. Oh, c'est relatif. Attends, on voit. Moi, en fait, pour le calendrier. Ouais, bah moi, je verrais bien Golden State et le Thunder s'ils prennent le second spot, quoi. Ok, et à l'Est, je vous laissais commencer cette fois-ci. Bon, moi, à l'Est, moi, je vais dire Cleveland et Chicago. C'est compliqué à l'Est, là, quand même. Bah, Cleveland, forcément. Mais je vois pas spécialement Chicago. Je mettrais bien encore bah, la même que l'an dernier. Je mettrais bien Atlanta encore. Charlie. Vas-y, moi, je vais dire Cleveland-Miami. Moi, je pense que Miami, ils vont se prendre beaucoup de monde. Ouais, ouais, ils ont une très, très grosse défense. Miami, ils ont une énorme défense. Ouais. La défense de Miami. Et derrière, ils ont un board très, très solide. Et ils ont des joueurs que personne ne connaît. Genre Tyler Johnson, qui est très intéressant. Ils ont Winslow, qui défend très, très bien. Et qui peut encore progresser en attaque, c'est sur la saison. Ils, défensivement, c'est très, très, très, très, très intéressant. Ouais, je regarde, ils sont top 3 en efficacité défensive. Le top 3, ouais, c'est les Spurs, Boston, Miami. Non, moi, je Miami, Cleveland, et si j'étais joueur, je dirais même Miami, Chicago. Moi, je dirais Cleveland, Atlanta aussi. Je pense que s'ils ont fait l'année passée, c'était pas anodin, et Millsap, il est sur notre planète cette année. En Ford aussi, ouais. J'ai envie de te dire qu'en Ford aussi. Hein, c'est pas mal aussi. Mais Millsap, là, les matchs qu'il fait en ce moment, c'est. Ça fait plaisir, quoi. Ça met du baume au cœur. Après, ils ont plus Demar et Carole, quoi. Ils ont plus Carole, mais je vois, ils ont quand même. Encore, ils ont récupéré Splitter, J'ai failli prendre Splitter à Raph, je suis content de l'avoir pris parce qu'il joue pas énorme. Mais je trouve que c'est un bon fit. Je trouve que c'est un bon fit parce qu'ils prennent de la taille et ça fait X années qu'ils n'avaient pas de taille à l'intérieur. Et Splitter, il est solide. Il est quand même solide. Je trouve que c'est une très bonne option. D'ailleurs, ils ont Schroeder qui progresse et qui est intéressant. Et Bazemore là, qui se monte cette saison, qui commence un peu à prendre le dessus sur Corver, non ? Ou pas ? Je sais pas. Corver est pas. Il a pas sauté aux yeux sur les stats jusqu'à présent. Alors que les années précédentes, c'était toujours. En tout cas, en fantasy, c'était toujours la référence des références. Elle est vieux aussi, Corver, les gars. Il a 38 ans, Corver. Il a 37 ans. 34 ans. Ça l'a pas gêné les années d'avant, quoi. Donc, Il a 34 ans, Corver. Ah, quand même. Ouais, bah, c'est d'avant. Ouais, bon. Il tire qu'à 40% à 3 points. Voilà. Ouais, tu vois les stats qu'il faisait avant, quoi. C'est pas mal. C'est le pourcentage au lancer franc de Rondo, putain. C'est serré, lui, quand même. Ouais. C'est serré. Il a 35% Rondo au lancer franc. Ah, c'est serré. Je sais pas. Heureusement qu'il tire que 1,5 par match, hein, mais sinon, ça ferait mal. Jack, non, mais de toute façon, c'est foutu. Cette catégorie, je l'ai abandonnée. Je l'ai abandonné, mais je remercie Ralfi d'ailleurs d'avoir lâché Yasova, il m'a relancé aux 3 points, je m'attendais pas à ça. Ah, Yasova. Ah là là, les gars, m'ont fait rêver, j'ai dit Yasova là sur les... Waouh, j'ai dit waouh. Pour ceux qui savent pas, Yasova, c'est un genre de fantasy qui... Il te tue, il te tue. Il avait fait une grosse année en 2011-2012, et chaque année après, il était hypé comme le... En très bon joueur, et à chaque fois il a commencé l'année, mais de manière dégueulasse. Moi je l'avais pris une année, je l'avais lâché au bout de 2 mois, et à chaque fois il finit très bien l'année. Et cette année, apparemment, il s'est repris un peu plus tôt que d'habitude, vu ses derniers matchs. Ouais, c'est comme ça venait. Hein. Quand j'ai vu qu'il était lâché, sa concurrence au poste, c'est Maurice. Je veux dire, ça va, il aura le dessus à un moment donné sur Maurice. Ça va. Ah, il est quand même meilleur que Maurice. À mes yeux, il est meilleur que Maurice. En tout cas, pour moi, il propose une meilleure option à Drummond que Maurice. Drummond, qui fait aussi une grosse saison. Enfin, il a des stats au rebond qui sont... Moi, je pense que ses stats sont quand même bien aidés par tout ce qu'il y a autour de lui. Hein. D'ailleurs, c'est la même équipe, j'ai remarqué, qui joue exactement pareil que le Magic, qu'à l'époque, qui était au Magic Van Gundy. C'est exactement pareil. Exactement pareil, en fait. Le pick and roll Jackson Drummond. C'est ça. Mais Drummond, il se gaffe de rebond parce qu'il n'y a personne à côté de lui pour les prendre aussi. Hein. Il est bien isolé dans sa raquette quand même. Je pense que ça joue aussi. Après, ça reste monstrueux, attention. Je ne dis pas, on cause non plus totalement ses perfs, mais ça reste monstrueux. Ça reste le mot de la fin. Ben ouais. Ah bah on n'a a pas pris on Sativa a pas dit le vainqueur. Sativa, Sativa il est pas là, mais on a pas dit de vainqueur. On a mis les finalistes de conférence, mais. Ah c'est vrai, bah les finales NBA, ouais. Alors les finales NBA, moi je dis je vais dire Spurs, Miami. On va dire le nombre de matchs, allez, on va aller plus loin. Spurs, Miami, 4-1 Spurs. Moi, en finale, je vais mettre Warriors et Cleveland, hein, je pense. Ou à la même finale que l'an dernier. Et sur le même score que l'an dernier. 4-2. 4-2 ? Ouais. Je vais dire les Spurs, allez. Spurs en 6 contre les Cavs. On doit avoir les Spurs champions, là. Mais... La police ? Ouais, ouais. On va encore arrêter un jadis. Voilà, la France est libérée. Génial. C'est ça qui va, je pense, là. Il court. Ouais, ouais, c'est vrai que sur la déco, elle était quand même un peu suspecte. Hein. Mais bon, écoute. Et sinon, si la France peut aller mieux après le départ de Sativa en prison, moi, je suis pas contre. Hein. Ouais. Sinon, on fait les trophées individuels aussi ou... On fait les quoi? Les trophées individuels. Comment c'est individuel? Oh non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est trop tard pour les pré-saisons et c'est trop tôt pour les mi-saisons. Pour moi, il y a pas assez de, on a pas assez de matchs encore pour vraiment avoir des choix qui soient, enfin, qu'on puisse discuter quoi. Je pour l'instant c'est non puis après je pense raison. Que le MVP, je pense que ça fera pas trop débat quand même. Bah pour l'instant ouais. Ah ouais, là, moi je suis pas si sûr que vous. Hein. Faut voir comment les Clippers, ils font de bonnes saisons régulières en général, et Griffin, il fait des grosses stats. Après, c'est sûr que si Curry continue avec le bilan qu'il va avoir, bon, il y aura pas trop de débats, je reconnais. Mais la NBA n'aime pas trop donner les MVP. Enfin, ils l'ont fait avec LeBron, certes, ils l'ont fait avec LeBron, mais avec Kobe, par exemple, et Jordan, ils aimaient pas trop le refiler à la même personne chaque année, donc... Kobe, il a eu une seule fois, donc déjà, on peut pas trop faire de... Alors qu'il l'aurait mérité plusieurs fois, mais... Bon, après, ça, je sais pas s'il l'aurait mérité plusieurs fois, parce qu'il est à son prime, il avait quand même Duncan, Carnett, Shaqi, il avait quand même du monde autour de lui. Il y a Nash qui l'a eu deux fois aussi. Ouais, ça c'est une arnaque, par contre, ça c'est une arnaque. 2005-2006. Le deuxième est une arnaque, enfin... Duncan l'a eu deux fois aussi. Et après, sinon, ouais, ça remonte à loin, parce que c'est... Jordan en 91-92 et Magic en 89-90. Ouais, tu vois, c'est pas... C'est vrai que c'est rare. Je pensais que c'était plus... Il y en avait plus souvent, quoi, deux fois de suite. Non, c'est pas tant que ça. Il y en a eu un qui l'a eu trois fois de suite, quand même. Il y a KD aussi, hein, je veux dire, en interne. Donc KD, il va être là, hein, je veux dire. Il a quand même affiché des grosses stats, hein, pour ses... Oui, bah, il est revenu, hein. Ça, c'est... Enfin, même l'an passé, quand il jouait sur une jambe, enfin, il était au-dessus, quoi. Enfin, le match avant sa blessure, il met 30 points en une mi-temps contre les Warriors, quoi. Donc, Moi, j'aimerais vraiment qu'en playoff, il joue les Warriors. Ah, on est vraiment un duel Durant-Curry, parce que... Les matchs Spurs, Warriors, Thunder, ces dernières années, ça a été des matchs de fou à chaque fois. Le buzzer beater de Westbrook là l'an passé. Et il y avait un autre buzzer beater derrière dans le même match, dans la même confrontation en plus. Iguodala, non? Iguodala, ouais. Avec ça, buzzer beater. Ah non, ouais, c'est un autre truc. J'ai regardé les MVP, il y en a que deux qui l'ont eu trois fois de suite. Chamberlain, mais bon, à l'époque, s'il y avait lui et puis bah lui quoi. Quasiment. Et puis Bird, ouais. Il a eu trois fois de suite. 84, 85 et 86. Ouais, mais à l'époque, je crois qu'il dominait vachement. Hein. Enfin, l'écart sur domination en des. Ouais, c'est ça. Et après, bah, après ça. Et après, ça tournait quasiment contre Magic et Jordan pendant 5 ans. 5-6 ans, c'est pas mal. Ouais. Sur les titres à mi-saison, c'est peut-être plus intéressant parce que on sait, les calendriers déjà faussent les stats et faussent le rapport de force des actuels. Le classement, tout ce qu'on veut. Puis bon, il y a des équipes qui vont monter en régime. Hein. C'est... Genre le basket, hein, c'est que du run. Hein. C'est que du run. Donc, il y a des équipes qui peuvent décoller comme les Clippers. Hein. Ils sont capables de faire des excellentes saisons régulières. Hein. Et Griffin, il peut se placer dans la course hein, parce qu'il est quand même assez. C'est assez impressionnant. Il y en a un qui, à mon avis, cette année, l'aura pas, je pense. Hein. Davis, à mon avis. Harden. C'est Harden, ah, Harden aussi. Harden et même Davis. Hein. Parce que ouais, bon. L'équipe en ce moment, c'est... Je pense que les Pelicans, ils le préservent. façon. Ils veulent pas prendre de risques cette saison avec les joueurs, j'ai l'impression. Ils préservent tout le monde. Hein. Bah, ils ont quand même pas mal de blessés, hein. C'est un truc de fou. Ah, c'est horrible. Là, ils ont perdu contre KCIA, ils avaient 8 joueurs. Avec Fish, ouais. T'as joué 40 minutes, je crois. Enfin, c'est pour ça qu'il fallait prendre Ryan Anderson, les gars. Sur cette tentative de revente douteuse. Ah ouais, franchement. Bon, il a fait un bon match, hein, Brino. Il fait des bons. Il est bon, enfin rien. Je pars du principe que même si l'équipe tourne bien, il devrait faire même des très bonnes stats. Enfin, tout est fait pour que le fit soit intéressant avec Gentry, quoi. Mais après, là, c'est la situation est catastrophique en ce moment. Ils arrivent quand même à faire pire que les Lakers, quoi. C'est un truc de malade, hein. Ils sont à 1-11, quoi. Quand tu sais que l'année dernière, ils étaient en playoff, quoi. C'est... Ah, je suis d'accord, c'est catastrophique. Mais je pense déjà avec Olivier, c'est qu'ils prennent leur temps, ils veulent pas rusher les blessures. Sur la santé, ils font très attention. Donc je pense que derrière la tête, ils voient plus loin que cette saison. Je crois qu'ils peuvent taper un peu fort sur la free agency. Ils vont voir un peu comment Gordon fait sa saison. Il y a quand même beaucoup de sur leur saison qui va conditionner la saison prochaine. Et justement, l'équipe qui est de cette saison ne pourra peut-être pas du tout ressembler à celle qui aura l'an prochain. Donc, c'est une saison plus ou moins charnière, mais sportivement, c'est pas non plus super grave. Hein. C'est pas non plus l'urgence. Et je pense pas qu'ils le vivent comme ça non plus. Hein. Et je regardais là, pour ce soir, ils sont quand même déjà 5, ils sont 5 blessés, quoi. Perkins, Evans, Poindexter, Cole et Davis, quoi. Ça commence à faire pas mal quand même. Hein, Cole et Davis. Poindexter, c'est pas le mec qui apportera le plus, mais normalement, quand tu les enchaînes, voilà quoi. Déjà, quand à l'intérieur, il manque quand même Perkins et Davis. Contre le Thunder, Ajinka a très très bien joué. C'était le seul pivot qu'ils avaient, mais il a vraiment bien géré. Mais ouais, il était tout seul quoi. Après, et une fois qu'il a eu ses 5 fautes, c'était fini quoi. Il n'y avait plus personne. Après, Ajinka, c'est pas le français. Et Fourni aussi. Et Fourni, il est chaud, quoi. C'est un truc de ouf. Ah là là. Ah, c'est Fourni. Ah, j'avoue, ce chat. Ah, mais ce chat. Le mec, il prend Fourni. Il prend juste Fourni parce qu'il est français. De chez les free agents, c'est là, d'un coup, Fourni. Bam, bam, boum. Ah là là, ce chat, mais j'en crois pas. Ah, j'y crois, rien. Je le prends, le dimanche soir, quoi. De toute façon, voilà, quoi. Et le mec, il me fait une semaine de malade, quoi. J'ai fait, ah bon, bah. Vas-y, continue, hein, c'est bon. Putain. Il a des stats. Ouais, c'est... Ouais, je vous dis, faites attention à Caspi. Caspi, c'est un très très bon choix. Je suis content d'avoir fait. C'était la séquence auto-congratulation de. Non, mais moi j'aime bien. Non, mais il est pas très connu. Non, mais c'est un joueur qui est pas du tout connu en fait. C'est ce que je me rends compte, alors que franchement, c'est un très très bon basketteur, Caspi. Ah mais bon, là c'est surtout parce qu'il a causé de ce qui a fait un match, il soit blessé soit suspendu quoi, donc c'est... Ouais non, je suis d'accord avec toi après, enfin, mais même en rotation, faut voir avec Collison s'il perd des minutes, mais déjà il est très important, puis avec sa relation assez préférentielle avec Cousins, ça peut aussi jouer sur les minutes qu'il aura, et sportivement il apporte, c'est ça, sportivement il apporte. Moi je l'avais suivi, en fait moi je l'avais suivi à l'époque où... De l'année de rookie de Tarik Evans, parce que je regardais beaucoup les Kings à cette époque-là, parce que j'aimais bien Tarik Evans. Il avait fait une très très grosse saison rookie, 19-5-5, genre les bases de Stanley Johnson, soi-disant. Et il y avait Caspi qui avait été drafté la même année, et franchement, il m'épatait, parce qu'il était intéressant. Il shootait à 3, un peu, il pouvait pénétrer un peu à l'européenne, et un joueur intelligent, et il a un peu passé par de partout, Cleveland, je ne sais plus où il allait également. Et finalement, même Houston, je crois qu'il a arrêté rien. Et au final, il est retourné aux Kings, et je trouve que c'est un joueur intéressant pour les Kings, et ça correspond bien à l'idée de jeu qu'ils ont actuellement. Mais pour revenir à Fournier, je regarde ses stats quoi, cette saison. Au shoot, il a 46%, il a 40% à 3 points, il a 19 points de moyenne. Quoi, le gars, il est juste énorme. Ça peut nous permettre de faire une légère transition, on pourra terminer sur ça, je propose. Ouais. On parle de la bonne saison du Magic et de Skiles, le coach qui pourrait être coach de l'année. D'ailleurs, Fournier, dans ses déclarations, je lui ai sorti une jolie tartine, quoi. Vive le Magic, hein, franchement. Et en plus, si tu peux continuer à être meilleur, moi je suis tout pour. Hein. Mais après, bah, surtout, façon, ils ont pas Oladipo, quoi. C'est ça le truc, quoi. C'est qu'Oladipo. Mais t'as pas eu de chance parce que Sky, franchement, Sky, il joue lent. Hein. Il joue lent. Hein. Ça t'avantage pas énormément. Ah, c'est... Mais franchement. C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont un bon 5. Il leur manque de la défense à l'intérieur. Clairement, il leur manque de la défense à l'intérieur. Mais ils ont un bon 5. Ils ont vraiment un bon 5. Parce que Payton, il est intéressant. Hein. Il est intéressant et c'est. L'avantage avec ces joueurs-là, bon, c'est un peu un rondo bis, quoi. C'est que c'est des profils qu'on pourra jamais que tu trouves pas tous les ans à la draft, et c'est des profils qui sont très intéressants si tu arrives à capitaliser dessus, en fait. Mais et aussi dans mon équipe. Ouais, non, je sais. Ouais. Là, il a fait. En plus, il peut progresser au shoot. Il peut progresser au shoot, tu vois. Enfin, moi, je trouve que tu vois, il y a un faux débat à NBA, c'est tous les mecs qui se font clasher, qui ont aucun shoot quand ils rentrent à NBA. Je suis désolé hein, pour les arrières, à partir du moment où tu as une mécanique où tu tires pas comme Rondo ou que tu t'en bats pas les couilles comme Rondo, parce que bon, Rondo, s'il a un shoot aussi épouvantable, c'est qu'il s'en fout. Hein. Concrètement, hein, c'est pas possible d'être au moment de sa carrière d'avoir un shoot aussi risible. Bon, même si c'est pas trop trop trop mal, mais ça devrait être mieux. Logiquement, ça devrait être mieux. Mais le shoot, c'est quand même le truc le plus simple à travailler pour un joueur quand il arrive en NBA. C'est pas le truc le plus compliqué. Donc, c'est la marge de progression est énorme pour des joueurs. Qui arrive en NBA sans avoir spécialement un shoot efficace. Hein. Parker, il arrive en NBA, il savait pas shooter. Hein. Et au final, il a trouvé des positions où dans le money time, on faisait appel à lui pour qu'il prenne ses shoots. Donc c'est pour ça que Payton, même s'il a pas un bon shoot, et avec toutes les qualités qu'il a en dehors, c'est un joueur très très intéressant parce que le shoot, il pourra toujours le faire progresser. Sans jamais un problème. C'est bien. Ah, puis à la passe, il est pas dégueulasse quand même, Payton. Hein. Ah, il est très bon. Hein. Putain, c'est... Et puis quand tu vois les shooters qu'il a autour de Dieu, il n'a pas forcément besoin d'avoir un shoot, voilà, un shoot extraordinaire. Quand même, je veux dire, bon, t'as Fournier quand même, ça va, il est quand même pas dégueulasse. Harry, c'est pas dégueulasse aussi. Voilà, Oladipo, enfin, je veux dire, ça va, il est vraiment là pour organiser, quoi. Dans ce rôle-là, il est quand même. Ouais, enfin, pour finir, le match, je sais pas si vous l'avez vu, là, entre Orlando et Oklahoma City, qui était match, je crois que c'est le deuxième ou troisième match de la saison, mais c'était le match le plus fou de la saison. Je pense pas que je vais avoir un match aussi bien cette année. Avec le panier de Westbrook, j'y croyais pas, quoi. J'ai toujours pas vu, j'ai même pas vu un résumé. Je ne peux que recommander, franchement, c'est. Enfin, c'est Westbrook, quoi. Mais même Oladipo aussi, enfin, il y a tellement de paniers improbables sur ce match que. Enfin, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on regarde la NBA, quoi. Franchement, c'est. En tout cas, enfin, pour conclure, on pourrait dire que le Magic a vraiment une base très très intéressante et Sky, ils ont fait vraiment du bon travail. Et ouais. En tout cas, pour l'avenir, ça promet. Par contre, ils ont des joueurs aussi qui sont libres à la fin de l'année, je crois. Ils ont comme quelques-uns. Ah non, en fait, finalement, de joueurs vraiment dans le 5, il y a vraiment. Voilà, il y a le poignet. C'est ça. Et en plus, qui est restreint en plus. Donc, de toute façon, ils n'auront plus qu'à s'aligner. Et je pense qu'avec les stats qu'ils font en ce moment, ils ne vont pas le laisser partir, quoi. Ça sera un peu con, quoi. Je pense que là, ils en ont deux là, sur les deux prochaines saisons, c'est Fournier et Oladipo. Je pense que ces deux mecs-là, il ne faut pas qu'ils cherchent, ils vont rester à Orlando, je pense. Hein. Ou alors, ils seraient complètement marge de les laisser partir, quoi. Ah, de toute façon, ils sont partis pour garder la même stature, je pense. C'est, voilà. Et puis, c'est super jeune, quoi. C'est quand même. Je suis d'accord. Bon, mais je crois qu'on a saoulé tout le monde. Même Sativa, qui nous a lâché là. Ou alors, c'est dire. Franchement, c'est dire. Si on a saoulé Sativa, c'est dire. Non, c'est dire. Ouais. Là, on a réussi, c'est vrai. On a réussi, c'est impeccable. C'est bon, il est parti pour faire le podcast, en fait, maintenant. On l'a saoulé. De fournir le message de conclusion et à tout le monde bonne soirée. De finir sur Sativa qui, je pense, c'est une bonne note. Si on arrive à saouler Sativa, c'est qu'on a réussi notre podcast. C'est vrai. C'est ça, ouais. Voilà. C'est vrai. C'est clair. Bon, mais. On a jamais fait ça. Je pense que c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Bah, de toute façon, il y aura un montage. Ouais. Je mets ça aussi. Ouais, voilà. Je pense que... c'était cool. Bon, finalement, j'aurais plus longtemps. Je pense que ce serait plus court, mais on aurait dû se faire un petit plan quand même, parce que bon, c'est parti en sucette. Hein. C'est parti bien en sucette. Hein. Après, c'était. Il y a une partie, bien une partie, ouais, où il y a plus de débat, je trouve. Je m'attendais à plus de débat. Surtout avec Sativa et toi, Charlie. Ouais, je pensais aussi que c'était... Moi, je suis pas dans la relation que ça, malgré ce qu'on peut croire, mais... je sais pas... malgré ce qu'on peut croire, pourtant t'es... Mais non, sincèrement... Je vais dire que tu mets beaucoup de cœur. Voilà, je vais dire ça. Ah, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Mais après, c'est différent, tu vois, avoir un débat oral, c'est différent, parce que tu apprends à écouter l'autre, donc tu peux réagir plus facilement à ses arguments, donc tu peux trouver un terrain d'entente. Alors que quand t'es à l'écrit, t'as le temps de travailler tous tes arguments, etc. Donc c'est différent. Je pense que c'est aussi différent dans la manière de changer. Mais moi, faut pas prendre personnellement. Hein. Moi, j'aime bien débattre. Moi, j'aime bien débattre. C'est juste que peut-être qu'à une époque, non, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus agressif. Un peu comme Sativa. Bon, un peu moins quand même. Parce que Sativa, quand même, il y va. Bon, ben, c'est un plaisir. Ouais, ouais. Bon courage, Steve. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, ça va.